Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios secondaires de Young Media, vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. Spécial Noël, tout le monde. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Crompe, le numéro 21, David Thibodeau, le numéro 7, Martin Véraud, et le numéro 98, Alex Galipo. Yeah, yeah, baby! Bonsoir, back. Tout le monde. Hey. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël, high five à tous. Noël. Yes. Tiens. Oui. OK. Ben, je vous rappelle comme ça que vous écoutez la soirée du podcast. On est à une émission de discussion ouverte sur les activités du Canada de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Je l'ai dit tellement vite, ça n'a pas d'allure. Et on vous en parle avec passion et boisson et festivité des fêtes. Ça vient habitué, JF, il dit ça super vite. Non, moi, je pense qu'il dit vite parce que on commence tellement plus tard qu'on avait fait. Ouais, on s'excuse pour tout le monde qui nous écoute live. On a eu un petit contretemps technique du genre oublier un power supply. Même que j'appellerais ça un hostie de contretemps. C'est comme un gros fuck up. Un délai d'une heure et quart. Je m'excuse. C'est correct. Impardonnable. C'est notre premier et seul épisode de décembre ainsi que le dernier de 2013, tout le monde. Ouais, c'est pour ça que ça va durer longtemps. Ouais, il risque d'être un peu plus long celui-là. Longtemps, ouais. On a beaucoup de sujets. Alors, préparez-vous. Ouais. Ouais. On devrait attendre voir. Quel enthousiasme de la part de Dave. Et quel début de show. Je propose qu'on commence le match déjà. Attache ta tuque, El Gro. Je vous rappelle qu'on est live à young.ca/live. Maintenant, on a une nouvelle webcam et on est rendu HD, widescreen et tout ça. Ouais, là, donc, venez voir la version vidéo qui donne rien de plus que l'audio. On est broadcasté en 1080p. Alex, le gars des termes techniques. Ouais, juste au cas. Là. Sur ça, on commence la période. Bon. Oh, fort, yeah, justement content d'être venu. Ben oui, Alex, bon retour, t'as manqué le dernier podcast. Ah, puis c'est une douleur à chaque fois. On t'a eu au téléphone quand même. Là, ouais, je sais. En tout cas, pour une fois, on a été capable de s'entendre parler. C'est le gars qui dit ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben comme on fait toujours en début de show, on va revenir sur les derniers matchs qui ont eu lieu entre les deux podcasts. Puis là, ça fait 3 semaines dans le fond, donc il y a eu 10 games, je pense, Dave. Ouais, en plein ça, 10 games. On a un long délai. Puis là, on a eu une superbe série de victoires qu'il faut... Faut pas oublier. C'est à cause des deux derniers matchs. C'est pas négligé. Non, c'est ça, là, vraiment. Là. Le dernier podcast, l'enregistrement date du 22 novembre. Excusez, t'as fait juste. Ouais. C'est comme un poil de chat, man. C'est dégueulasse. C'est comme si tu C'est bon. Excuse-moi. C'est comme si tu me l'enlevais comme ça à la langue. Un peu bizarre. Je sais. On a une genre de proximité, man, dans ce podcast-là. On se touche la langue. Voyez, là. La période, as-tu commencé? Oui, OK, l'autre fois, on a fait 5 minutes avant de parler de hockey. Bon, mais là, il y a tellement de sujets, j'ai 3 feuilles. Là, okay, allons-y. Là. OK. Ah oui, Esti, vas-y. Mais oui, mais là, Marc! 23 novembre, OK, contre les Pingouins. Ça va faire, là. Merci, GF. Pas de cabotinage. Ah ouais, 23 novembre. Pingouin canadien. Marque finale, 3-2. Hey, c'est loin. Montréal. Yeah! Bonne victoire. Ensuite, on a affronté les Sables le 27 novembre. Les Sables? Les Sabres. The Quicksand of Buffalo. Les Sables. Les Sables contre le Canadien, marque finale. 3-1 pour le Canadien. Pour le Canadien. Ça va, Mart? Il a aimé celle-là. Mart a comme réagi avec un délai un peu. Il a le temps de la Dave, tu peux patiner un peu plus vite que ça. Puis, ouais, mais c'est parce qu'il faut au filet avec tes os. J'ai comme des mises en échec. Canadien Capitals. Ouais, c'est bon. Canadien Capitals, marque finale. 3-2 pour Washington en fusillade. Ouais. Merci. Maple Leaf Canadien, marque finale. 4-2 Montréal. Et j'étais là. Devils Montréal. 3-2 Montréal. Canadien Devils, un match retour. 4-3. Puis deux matchs à ma vie, il m'a checké. Merci que c'était plate. Et 4-3 en fusillade pour le Canadien. Canadiens Bruins, un gros match qui déterminait d'ailleurs le premier de la division, Atlantique. Oui. Bruins Canadiens, marque finale, Boston 1, Montréal 2. Donc victoire du Canadien. Ensuite, un autre match sabre canadien auquel j'ai assisté d'ailleurs. Match pas fou. 3-2, Montréal, marque finale. C'était pas chanceux. Et après ça. Ouais, moins ils ont gagné. C'était moins pire que le match de New York que t'avais été. Ouais, c'est juste, mettons, si t'es levé pour aller aux toilettes en deuxième, t'étais pogné, man. T'as manqué le premier but. John Scott, il jouait même pas, man, ce game-là. En plus, on n'a pas eu le fight, aussi. Scott Parrow, ce qu'on voulait. On peut pas régler notre différent. Ouais, mais on va revenir tantôt sur. Après ça, on a le. Bon, là, on a le match qu'il fallait pas aller voir au Centre Bell, là. Canadiens contre les Kings. Défaite de 6-0. Une clinique de hockey contre Montréal. On va l'oublier, celle-là. Et Flyers canadien qui est arrivé jeudi cette semaine. 2-1. Celle-là me fait chier. Le retour de Brière. Un match tout aussi merdique. En première période, tu savais qu'il était pour perdre. Le Canadien a joué l'équivalent d'à peu près 3 minutes en fin de troisième. Ouais, mais si on regarde depuis notre dernier podcast, combien de victoires et combien de défaites qu'on a. Ouais, okay. 3 défaites. 7 victoires, je pense. Comment? On a une séquence. On a une victoire, deux victoires, trois victoires, 4, 5, 6, 7. Hey, ça, c'est bon. 7 victoires, ouais, c'est ça. 3 défaites. 3 défaites, dont une en tir. Ouais, mais 3 défaites qui font mal en hostie. Là, parce que deux dernières, c'est comme on dirait qu'ils ont comme. Ouais, là, les boys, là, quand on s'en venait pour le podcast à soir, là, je m'en allais vous dire, le Canadien là, avait une série de victoires. Là, juste avant les deux défaites, encore. C'était 8 victoires. Non, attends un peu. On avait 11 victoires. C'était 9-0-1. On a fait 19 points en 20 points. En 20. C'était malade. Sur le game, on a fait 19 points. Une série de matchs de fou. Mais Montréal a une super bonne séquence, mais dans les deux derniers matchs, je trouve tout ce qu'il y avait. Puis, tu sais, je veux pas me baser là-dessus non plus, puis je veux pas comme être prophète de malheur et tout ça. Mais toute l'équipe a des creux. Parce que, ben oui, c'est ça. T'es un prophète. Hey, sérieusement. Ouais. Mais c'est parce que. Mais sérieusement, toutes les équipes mangent un hostie de volée dans l'année. Là, puis je pense que là, notre raclée de 6-0, là, gars. On a mangé deux l'année passée. L'année passée, on a mangé deux. Sauf que les deux fois, on est venu avec des victoires. Je suis même prêt à vivre avec trois grosses défaites de même OP dans la saison. C'est pas grave. Moi, les boys. L'important, c'est qu'il faut que tu sois capable de rebondir. Puis la game d'après, ben là, ils ont moins rebondi. Puis là, on était quand même un petit peu comme. Ah, fuck. Ouais, dans le fond, là, pourquoi qu'on est fâché? La game des Kings, je pense qu'on est d'accord que tout le monde était prêt à l'oublier. Puis whatever. Ouais. C'est la game contre les Flyers qui nous a frustrés pour de vrai. Parce qu'on a vu qu'ils se sont pas présentés. Puis on a tous voulu que, tu sais, Chris Mann avoir mangé un coup de même qu'en tant qu'équipe, parce que relevez-vous, puis on jouait pareil. Puis, moi, les boys, là, je voulais venir pour le podcast ce soir, parler du Canadien, puis dire, est-ce que l'équipe est plus forte qu'on le pense? Oui. Puis finalement, après les deux défaites, je me demande, ma question a comme changé. Ma saison a changé, le Canadien est pourri. Non, mais ma question a comme changé, je me demande, est-ce que le slump est commencé? Fameux slump, c'est temps des fêtes. Moi, je dis c'est une équipe plus forte qu'on connaît, mais avec avec une confiance fragile. Ben, moi, je vais te dire, là, la confiance, je pense qu'elle était là, on se l'est bâti. On se l'est bâti. Puis on l'a on se l'était bâti. Puis, mais c'est parce que les Flyers. C'était là, les Flyers, là, avant qu'ils viennent jouer contre Montréal, avaient subi une défaite de 7-2. Là. Ouais, mais Chris, septième? Okay, mais t'as un peu. On était comme. C'était comme un match, deux teams qui avaient subi chacun. Mais ils n'ont pas bien joué. Là, c'était de savoir, c'était qui entre les deux équipes qui venaient de subir comme gros revers, chacun de leur bord. C'était quelles les deux équipes qui vont se relever de ça un peu, tu comprends? Puis Montréal n'a pas été. Je pense que Philadelphie était plus. On aurait pu gagner. C'est une équipe qui avait joué deux games en deux soirs, qui avait voyagé dans. On aurait pu gagner ce match-là, on avait tous joué deux matchs en deux soirs, le Philadelphie aussi. Non, on avait perdu 7-2. Canadien n'avait pas joué la veille. On a joué contre une équipe qui avait joué deux games en deux, puis nous autres, on avait. Mais il était plus wake-up, puis il voulait la victoire, puis les autres qui ont voulu se sortir de ça. C'est pas normal. Mais Montréal. On aurait dû être là, wake-up, puis prêt à. Ouais, mais Montréal, ça. Après, Montréal, une pratique puis tout. Ouais, mais Montréal sortait d'un gros voyage. Montréal. Montréal. Ouais, je savais pas regarder ce qu'il allait finir. Mais je trouvais que, par exemple. Il s'essayait, genre. Puis après ça, il justifie. Je savais pas quand tout ce qu'il allait finir. Non, mais à la défense des Canadiens, là, sérieusement, ils sortaient quand même d'un très gros voyage là, de hockey. Là. On s'entend, là. C'était comme les matchs. C'était vraiment. Tu sais, là, je peux dire. Peut-être que ça a joué un peu, là. Puis ils ont gagné cette série de matchs-là. Fait que parfait. Fait que là, avant d'aller plus en détail. Je pense que le Canadien détail... est plus fort, excuse Jeff. Ouais. Je pense que le Canadien est plus fort que ce qu'on pensait au début de la saison. Mais ils ont moi, je pense que la confiance est fragile. En santé, le Canadien en santé est peut-être plus fort. Okay, non, mais t'as pas vu le Canadien en santé moi, au début. Moi, je pense que. Ça, c'est un gros facteur. Ah, mais il y avait des interrogations et tout au début de la saison. Est-ce que Gallagher allait poursuivre qu'est-ce qu'il avait commencé? Moi, je pense que Galchenyuk, qu'est-ce qu'elle allait continuer? Giotto, t'as pas nous en donner. Plekanec, ça en venait pas. Puis vous nommez pas, pour moi, la plus grosse. La personne qui fait la plus grosse différence, c'est Price. Oui, Price. On a rien à dire contre Price. Le plus gros point d'interrogation, puis Price a su garder ben. Comme dans le match les moi, Canadiens. Moi, ça n'a jamais été un point d'interrogation pour moi. Oh, Alex, arrête. Moi non plus. Je suis vendu à Price. Hey, non. Je suis pas vendu, mais je suis. Ben, je m'attends un défendeur. Non, mais sérieusement, on aime tout Carey Price, puis on veut qu'il soit bon. Non. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait. L'année passée, sa saison, ça non, avait mais été vraiment... Non, mais vous l'aimez, mais vous attendez tout le temps qu'il fasse une petite erreur pour après ça, il blâme dessus. Non, on l'a pas blâmé. Vraiment pas. Ouais, mais il y a bien des fans, c'est ça. Je l'aime, il gagne. Il gagne, mais une fois, petite affaire, paf. Il y a des fans, la première défaite du Canadien, si Price a loué 4 buts comme contre les Kings. Ah, je vous l'avais dit, c'est ça, Price. Ouais, mais c'est ça. Après ça, je l'aime. Sérieusement, on en a parlé l'année passée. C'est du monde qui veut juste se faire un plaisir de te le remettre dans la face. Ils sont encore là cette année. Moi, sérieusement, on écoute pas, on s'en fout. Price, je sais. Mais Price, je sais que le potentiel. Hey, on vous salue. Pour moi, Price, là, il y a le potentiel d'avoir le talent qu'il a là actuellement. Ben oui. Puis sérieusement, c'est la première fois qu'il est aussi... On parle plus potentiel, on parle. Je sais. Non, mais Alex, c'est même pas ça. Ce gars-là, il est bon. Je sais qu'il est bon. C'est la première fois qu'il a la maturité d'amener ça comme au stade de comment qu'il est bon. Hey, les boys, tout ça pour dire, là, vite fait, là, que le Canadien, présentement, malgré deux défaites de suite, se trouve deuxième dans la division Atlantique. Tout le monde panique ça. Deuxième dans la division Atlantique avec 41 points. Bon, les Bruins nous ont devancé avec 46, mais c'est très excellent. Et ça, c'était un beau rapport, mon cher Martin. Merci beaucoup. C'est juste. Je vais vous en parler. On ne savait pas parler dans le podcast. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Là. Ben là, moi, c'est moi qui ai commencé ça. Là. C'est ben dis-leur. C'est savoureux. OK. C'est même pas moi. Hey, c'est même pas moi. Rap. C'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai pas roté. J'ai même pas bu de bière. OK. Boston, première équipe de la conférence de l'Est. Deuxième, Pittsburgh. Et troisième, perdu le contrôle. C'est les Canadiens. Donc, troisième dans l'Est, au point, je parle. Là. Et ça, ça fait le tour des stats. Puis avant qu'on aille vraiment plus en détail, ben, je m'excuse de te couper ça bref. Là, parce que la moitié de la première est passée. Avant d'aller vraiment en détail, je veux qu'on donne notre coupe du mois de novembre, vu qu'on est rendu en décembre. Appelons-la la coupe LSDP. Parce que... La coupe LSD, mais là. Ouais. LSDP. Faut pas oublier le P à fin. C'est comme Los Santos Police Department, mais avec le D et le P inversé. Hein. Department tu penses of Police. Trop, tu penses trop loin, toi. Tout du droit de GTA. Ouais, à qui donnez-vous votre coupe du mois de novembre? Moi, pour ma part, je vais la donner à Pacioretty pour son éveil à l'offensive. Bon choix. Pourquoi Dave? Tu pointes ben, moins? Dave, parce qu'on est dans le sens contraire de l'horloge. Ah ouais, c'est logique, ça. On fait tout le temps ça. On s'en fout, fais juste donner ton choix. Non, mais moi, honnêtement... Le choix qui aurait été bon, ça aurait été Price, encore une fois, parce qu'il a bien joué, mais moi aussi, je vais y aller avec Pacioretty, juste parce que ça l'a contribué beaucoup au victoire du Canadien. Il a comme starté avec son tour de chapeau, puis après ça, il y a eu des matchs de deux buts tout le temps. Il y a près, eu là. Une très bonne efficacité. Tout le temps plus qu'un point. Donc, je vais y aller avec Pacioretty, mais Price aurait pu encore la gagner, je pense. Mark? Ben moi, j'aurais goût d'y aller avec Doug Murray, c'est-tu, parce qu'il s'est battu avec John Scott, là, sérieusement. Ouais, ça, bon, ça, on a vu sa face okay, après non, aussi. Là. Ça, c'est une joke. Okay. On reviendra sur mais, ça. Moi, je vais donner, moi, je vais la donner à Carey Price. Ouais? Ouais, vraiment, parce que je pense que il est très solide. Il a une moyenne d'efficacité de 2 buts alloués par match. Ben, quasiment c'est un des mois. Meilleurs. À part John, il est à 934 le mois de novembre. Josh. À part lui, c'est le meilleur goaler de la Ligue nationale présentement. Ouais. Tuukka Rask, il est quand même sa coupe. Toi, Alex, tu donnes ta coupe à qui? Moi, c'est pas un joueur, je vais te donner l'entraîneur Michel Therrien. Oh! Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Là. Ou je pense qu'il can do non, that? Non, can do that. Ben, je sais pas, moi, je sais pas. Ben, il a le droit, là, c'est un membre la du coupe club. Molson, là. M'excuse, mais il donnera okay, pas. OK, on donne ça à coupe Molson, la coupe... Non, mais c'est Michel Therrien, là, ça me dérange pas que tu le flattes, là, puis que tu lui donnes des fleurs. Mais c'est quoi ta raison, d'abord? Ben, la raison, c'est que tout ce qu'il a fait, toutes les décisions qu'il prennent, le joueur... Ouais, mettons un joueur, Alex. Un joueur, c'est facile. Va-t'en, Milton, mon hostie. Je suis d'accord avec Jeff, c'est Pacioretty qui a été le meilleur joueur depuis le dernier podcast. Mais en veut pas, Michel Therrien, tout ce qu'il a fait comme décision de coach, ce gars-là, il fait quelque chose, il touche de l'or. À chaque fois qu'il a fait un changement, ça a payé. C'est de l'or, surprenant. De l'or genre de gold? Ouais. Ouais, ou l'or en bord. L'or en bord. Ouais. L'or en on fait-tu nos plus et nos moins du mois de novembre aussi tant qu'à ça? Ben, c'est okay. Qui vos joueurs plus, vos joueurs moins dans les derniers matchs? Vas-y, là. On part dans l'autre sens. Ben, mon joueur moins, ça va être... j'aime pas ça. Ben, c'est Daniel Brière. Ton joueur moins? Ouais, Maker. On passe plus de temps sur le code Brière tantôt, ouais, tout le monde ensemble, là, mais c'est ton plus haut que la coupe, mettons. Pour de vrai, un gars qui est all around et que je trouve qu'il joue super bien, c'est Markov. OK. Puis Mart, ton plus moins? Mon moins. Ouais, mais. Mon moins, OP juste dans ce coin-ci. Ouais, OP la micro. Parce que mon. Il réfléchit au micro, Mart. Il pense loin du micro. J'étais très philosophique, là. Mart, il s'éloigne un peu. Il s'éloigne un peu comme un psychologue, genre. Il manquait juste à se croiser une patte. Non, une pipe en bois, là, tu sais. Mon moins. Mon moins. C'est, ouais, c'était Platon, c'est bord, là. Mais je vais te dire, mon moins, je le donnerais moi aussi à Daniel Brière. Puis mon plus, je vais le donner à Ryan White. Pour de vrai, je suis d'accord avec ça, mais il joue bien. Comme j'aime bien. Moen, quelqu'un pourrait donner son plus à Moen. Ben oui, Moen. Il y a de l'intensité, Moen. Non, non, Moen, je m'en calisse. Non, non, non. Il joue bien, Moen, de ce temps-ci. Parle-moi pas de Moen. Ah, my God, you're still one of those. Mais non, Ryan White, j'aime bien ce qu'il a amené. Puis tu sais, avec Prost puis tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ouais, ce... tous les gars, les travailleurs, mais les grinders. Il est moins épais qu'il était. Les grinders, ils ont vraiment grindé. Il est plus stable un peu. Ouais. Pour de vrai, non, mais c'est pas à dire, mais c'est ça. Dave? Bon, moins, si je pense que je vais y aller à peu près dans le même sens que vous autres. Là. Bidi bidi. Ouais. Je sais pas quoi dire d'autre sinon. Ben, quand il n'y a pas d'affaire. Le beau rival un peu qui a descendu. Ouais, mais j'y donnerais pas un moins, par exemple. C'est pas un vétéran. Non, c'est parce qu'on sent mal. Mais mon plus, c'est un jeune. Puis... Mon plus, par exemple, je vais y aller différemment de vous autres. Je vais y aller avec Galchenyuk. Parce que Galchenyuk, pour moi, a continué à performer malgré le fait qu'il a été laissé sur le banc. Oui. Mais regarde bien le jeune, puis... Qui revient, c'est ça que t'aimes, ben, c'est ça, comeback. C'est que, genre, il va connaître une coupe de game mauvaise, Michel Therrien, il va le bencher, puis quand il bench... Ben, il comprend le message. Il allume le jeune, puis on s'entend, là, que, présentement, au niveau du Canadien, Galchenyuk, des attaquants, est deuxième avec le pour plus de points en arrière de Plekanec, puis tabarnak, pourquoi on n'en parle pas plus? Le jeune est notre deuxième meilleur pointeur, il a 19 ans, man, ce gars-là, il a une tête sur ses épaules, man. Hey, ça va être un bon gars dans le futur. Ça va être parce que c'est le futur Ryan Getzlaf. Ben, Non, calme-toi. Ouais, ouais, là, Chris. Ouais. Ben, Getzlaf, OK, Getzlaf avec une coupe de bonne saison. Des dernières saisons, il est bon. Mais à Galchenyuk mature, ça pourrait être Getzlaf. Ben, non, mais sérieusement, moi, je pense que Galchenyuk, il est excellent. Il est fou. Il suit la progression tranquillement. À qui tu comparais à Galchenyuk? Galchenyuk. Ben, mature, là. Pas maintenant quand parce il que pour mature. Moi, Galchenyuk, pour moi, il m'apparaît Rick, plus comme un playmaker qu'un gars qui a. Mais pourquoi il apparaît plus qu'un playmaker? C'est parce que. Mais quand il tire, ça marche. Non, c'est parce que l'affaire, c'est que c'est un excellent playmaker. Il a confiance, ce gars-là. Il y a une bonne. Non, t'as peu. Mais il est très jeune, Astic. On a eu Lars Eller qui commence à être. Wow. Galchenyuk, c'est un joueur première ronde. T'as peu, Alex. Marc, je sais pas de quoi tu parles. Moi, je viens de donner mon plus à Galchenyuk, là. Fait que je suis correct, là. Non, je mais sais qu'il faut attendre. Mais Dave, je juste qu'il me compare. Moi, Dave, je t'assigne pas ton plus. Ce que je te dis, c'est qu'il est très jeune encore. Ouais. Faut juste qu'il... Gars, laissons-y le temps. Ouais, il va prendre sa maturité. C'est un gars qui a tout le potentiel. Il a les mains pour scorer. C'est un playmaker. Puis ça va être super bon, man. Ça va être super bon. Laissez-y le temps. 9 buts, 12 passes. Alex qui est présentement pas content de son temps de glace. Je veux juste te dire dans l'affaire, Yakupov, okay, oh my qui est un God. Qui a peut-être encore plus de scoring. Mais il joue dans Edmonton. Il a plus de potentiel de scoreur. Il joue à Edmonton qui a tous des jeunes puis il n'y a aucune discipline. Il est mal managé. Ouais, mais il n'y a pas de coach, il n'y a pas de directeur général, il n'y a rien dans cette équipe-là. Les exact, gens peuvent faire ce qu'ils autres, veulent. C'est de la merde. Les ouais, autres qui arrivent là, c'est des vêtements. Il y a bien attends, des recruteurs là, qui sont... Attends, entendre les choix à JF avant qu'on, ouais, okay, qu'on arrête pas de discuter. OK, ben mon plus, je le donne à Dernier qui a réussi à se sortir de son slum carrément. Là, puis qui a steppé up. Puis d'ailleurs, pour un genre de demi-sujet, Dernier qui a gardé sa moustache après le Movember. Ouais. Ben, lui, il a le handlebar. Il est superstitieux. Il est superstitieux. Il a compté ses buts, clair, il veut garder. Mais il y a de la barbe qui pousse au combat. Ouais, peut-être que ça lui donne un genre de petit edge, là, il trouve. Là, puis, il y a le gars en avant du net. Sûrement qu'il se regarde dans le miroir le soir et il se dit, le gars qui me regarde à la mise en jeu. Là, j'ai une grosse graine. Ouais. Puis mon moins. J'ai l'air d'avoir un gros dingo. Son moins, on va attendre son moins avant de. Je vais le donner à Paros, mon moins. Really? Really? Ouais. Mais les matchs que je vois. Pas tant sur lui que son utilisation. Puis je vais vous amener sur un autre sujet aussi. L'utilisation de Paros par rapport à Prost. Oh, je prends Prost avant. Pourquoi? Parce que Prost est plus non, mais intimidant. On n'a pas amené Paros justement pour que Prost n'aille pas à se battre ouais, parce que tout la le temps. Puis c'est tout le temps Prost mais qui Prost bat Paros. Mais Prost est plus intimidant que Paros. T'as raison, sauf que moi je vais en venir à un point, c'est que justement, t'as besoin d'un joueur sur la glace comme Prost. Tout le temps. Tous les jours. Tous les matchs. Toutes les oui, games. Je suis d'accord. T'as pas besoin mais d'un pourquoi Paros c'est tout le temps lui ouais, qui là, va se battre? C'est ouais, ça que mais moi, GF, là, t'as le choix. Tu veux-tu mettre une équipe sur la glace pour se battre ou tu mets une équipe sur la glace pour gagner? Mais pourquoi on a amené Paros d'abord? Ben, pour ce cas, pour jouer, sûrement pour pas pour son talent ouais. Patineur. Paros. T'as aucun goon du style à Paros. Mais c'est pour ça qu'avec les Maple Leafs, t'as besoin sur la glace à part que si tu veux que ça brasse. Mais ou si tu penses que ça va brasser. C'est pas le Paros. Les gars. À chaque fois qu'il a mis Paros sur la glace, par exemple, comme des équipes qui nous frappaient comme des malades, comme contre les Maple Leafs, mais pour de vrai, ça a fait une estime méchante différence. L'équipe, c'était bien okay. Plus le calme monde sur la glace. C'était beaucoup plus calme. Tu vois, dans 24 CH, ils veulent pas se battre contre Paros. Ouais, mais ça, c'était beaucoup plus calme. Puis j'étais okay, là, mais, à game, okay, contre tout le monde qui mettait son bâton. Paros, admettons, OK, on joue contre Buffalo. Buffalo n'obéit pas John Scott. T'obéis pas Paros. Ben, t'obéis pas Paros. Non, c'est, voilà. C'est ça, parce que là, tu vas te rentrer un attaquant qui a plus de potentiel que parce que Paros, c'est sûr. Il n'y a pas les skills mais c'est pour ça, jouer tu la joues grosse pas au hockey pour t'abattre. Michel Therrien joue au hockey pour gagner. Il joue pas au hockey pour avoir une fight à soi. Donc, s'il veut gagner, il va mettre ses meilleurs éléments sur la glace. Ouais. Il ne mettra pas Paros s'il n'y a pas besoin de mettre ouais, Paros contre peux, John Scott. Tu peux mettre Paros, mais là, parce que vous parlez Paros. Paros, là. Paros, on ne met pas Paros puis on n'enlève pas Prost. Si je mets Paros, je vais enlever White, je vais enlever Bournival. Ça a non, beaucoup non, moins d'impact. On ne tombe jamais pour Bournival pour Paros. Oui, oui, il mais ça dépend quel game. OK, mets un peu. Ça dépend pour quel game. Si la game, tu sais, ouais, tu as besoin ça, mais... de ta police d'assurance, tu je le mets ton ça, Joker. Mais c'est parce là, que là, on disait que hein? C'est en Brandon Prost puis Steve George Paros. Non, tu, jamais, pas pareil, t'enlè- les t'enlè- deux gars vont être tout le temps sur la glace en même temps. T'enlèves jamais Prost au détriment de Paros. Mais Prost, jamais, à un moment donné, jamais. Là, je m'en rappelle plus c'est dans quelle game. Non, mais si Prost s'est pogné contre un des heavyweights d'une autre équipe, puis Paros était sur la glace en même temps que Prost. C'est ça, parce que c'est quoi Puis Paros, c'est pas battu. C'est ça, Thornton. Ça aurait dû être Paros qui soit là parce que Paros était sur le même chiffre. D'accord, c'est le même chiffre. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est quoi? Et en plus, Paros, pas Paros, mais Prost ne sera se faire ramasser dans la bande. Bon, mais c'est lui qui l'a cherché. C'est lui qui a cherché. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Il s'est fait ramasser la face dans la bande, puis il était en fin de chiffre. Puis il a Chris, continué. Il a quand même droppé. C'est battu. Man. Ouais, ça, mais c'est ça, je suis d'accord. Puis il a regardé le ref. Non, mais c'est quoi? Puis je pense pas que. Je pense que le gars, il voulait pas pogner Prost. C'est sûr, il a choisi son gars. Il sait. Il voulait pas pogner Paros. Il voulait pas pogner Paros. Ah, mais les gars, puis il sait que Prost était là, puis Prost. C'est pas un, c'est un gars. Denis Gauthier l'a dit. C'est un bon gars d'équipe, puis il a fait comme je vais le poigner. C'est Gauthier, RDS, l'antichambre, il a dit ça. Il a dit Prost, là, il dit qu'est-ce qui arrive quand c'est un batailleur, comme mettons John Scott ou n'importe quel batailleur. Il dit c'est un joueur fatigant. Puis lui, quand il décide je vais dropper contre toi, il dit tu peux comme pas refuser. Parce qu'il dit là, tout le monde regarde ça, c'est Prost, puis là, toi, t'es le batailleur de l'équipe, puis c'est Prost. Mais il s'attend pas de dropper. Tu veux pas dropper. Mais il dit là, t'es obligé parce que c'est pour l'honneur. Paros, il est 6 pieds, il est peut-être. Puis ouais, mais il sait se battre en Christ. Les gros, ils respectent, puis ils disent comme ouais. Puis en même temps, quand que lui, il drop, même si ça te tente pas, t'es obligé de dropper. Mais c'est pas rien que ça. Je pense que Prost, il y a vraiment le commitment, genre de faire. Oui. Moi, je protège mes gars. Les Rangers, même si Paros, il est là, je pense que c'est un gars qui est capable de faire comme gars, man. À 24 CH, le Prost, quand il s'amuse avec les jeunes. Ah, oh, il est revêt comme il veut, man. Ben, man, ce gars-là, il manque encore au New York Rangers. Ce gars-là. Ils n'ont jamais pu remplacer un New York Rangers depuis ce temps-là qu'il est parti, ça va pas bien. Puis Prost, à 24 CH, qui parle avec Galchenyuk, puis que Galchenyuk, il dit « Ah, si j'ai été mauvais. » Il dit « Non, ta gueule, t'es le meilleur joueur sur la patinoire. Puis quand tu joues avec moi, t'es le meilleur gars sur la glace. » Quand t'es avec moi sur le même trio, t'es le joueur numéro un, fait act like it. Ah, act like it, c'est sûr. C'est un gars d'équipe. Galchenyuk, il dit genre « I suck, je sais pas quoi. » Ah, il dit « Ah, man, j'ai chié. » Non, quand t'es avec moi, t'es le meilleur joueur sur la glace. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Puis qui. Ouais, mais c'est hot, 24 CH. Prochain capitaine du Canadien. Qui ça? Prost? Non. Non. Moi, je verrais pas pourquoi, là, mais... Ben, pour de vrai, oui, pourquoi, je vois, mais... pourquoi pas? Je mettrais pas Prost. Non, mais Prost, en même temps, en tant que capitaine, faut que t'aies de l'humour, oui, comme Prost. Faut que t'aies de l'humour avec le monde. Qui en même temps, faut que t'aies de l'autorité. Mais dis pas la pression du C. Tu vas mettre qui? Tu vas mettre... Je pense qu'on va un point, par exemple. Non. Markov est pas... jamais Markov. Tu vas mettre qui d'autre? Bonne question. T'as pas beaucoup de choix à Montréal pour mettre un capitaine. Ben, parce que Georges, que... il y a Georges qui parle tout le temps vestiaire. Georges. Mais le monde l'a respecté. Moi, sérieusement, là, c'est-tu quoi? J'ai pas si un bon capitaine. Non, sais-tu qu'est-ce que j'ai envie de dire? Moi, pas vrai. Markov, man. Non, moi, je dirais Markov. Tu parles pas, Calis. Hey, Alex. C'est connu qu'un capitaine, t'as pas besoin de faire les grands speeches. À un moment donné, t'as besoin d'en faire. Parce que, ouais, mais c'est-tu quoi? De toute façon, ouais, mais Markov, s'il parle, là, ça va être laid en tabarslack. Là, parce que ce gars-là, il est sa patinoire tout le temps pour savoir, toutes les pratiques. Il est tout le temps là. Il a une éthique de travail. Je dis pas que ce serait pas tu bon. Tu peux pas suivre aucun, ce gars-là. Il n'y a aucune communication que ce soit avec ce mais gars-là. Mais bon, là, c'est la fin de la première période. Ouais, okay. Fin de la première période, puis je vais laisser sur cette question au public. Vous, vous verriez qui comme le prochain capitaine du Canadien? Bon sondage pour la prochaine. Puis je veux juste ouais, dire, mais c'est parce qu'il faudrait laisser tout le monde dans le team, là, ce sondage. C'est la sidebar va mesurer. Je sais que c'est long, mais fais-le. Peut-être. Programme-moi ça sur le site. Sinon, envoyez-nous vos suggestions. On va faire un post Facebook, là, puis... Donc, sur ce, on prend un entracte et on revient pour la deuxième période. On va parler en deuxième, notamment tout ce qu'on n'a pas parlé en première. Ouais. Puis des bagarres. Puis on avait dit là, qu'on se gardait le sujet. Qu'est-ce qui arriverait si on enlevait les bagarres? Puis il y a beaucoup de choses par rapport aux bagarres, encore une fois, malheureusement, qu'il faudra parler en deuxième. Alors, mon Dieu, un sujet entracte, que j'aime tellement. Et on revient. On est de retour pour la deuxième période. Et avant de commencer, les gars, on va faire quelque chose qu'on fait pas d'habitude, un petit peu de gossip, là. Vous écoutez 24CH, je pense, tout le monde? Ben oh, oui, moi, sûr. Je n'écoute pas 24CH. Ouais, arrête, tu l'écoutes. Je l'écoute pas. J'ai comme des comptes. Aimez-vous, ben, Dave puis Alex, aimez-vous ça? Ah, oh, ouais. J'adore. Ouais, je trouve ça bon. J'aime ça. Moi, j'ai comme des contacts qui connaissent comme le réalisateur de ce show-là. Ouais, puis ouais, ça a l'air qu'il n'est pas trop content, lui, par ouais, exemple, mais du résultat final. Lui, il doit voir toutes les shots. Apparemment qu'il s'il avait l'attitude de mettre ce qu'il voulait, le show serait pas mal plus intéressant puis le fun écouter. Ah, c'est sûr. Il doit avoir une méga équipe de PR qui ouais, va censurer clair, pour le Canadien. Ouais, c'est mais, c'est quand même, ben très non, bon. Non, mais c'est tout le temps politically correct. Ben c'est très bon, mais c'est une sûr. Business. Mais oui, mais c'est normal. Mais c'est vendu comme une business aussi. Là, ben Canadien, ouais. Quand c'est... tu vas écouter 24 heures là, pendant les matchs de... extérieurs, ouais, les classiques. Tu vas avoir ça, les classiques. Ouais. 24/7. 24/7, moi, c'est ça. Ça la même affaire. Là. C'est le même concept, c'est l'adaptation. C'est de la pub en même temps pour la ah nationale. Ouais. Là. C'est régi, mon gars. Ils vont pas te montrer deux joueurs qui s'engueulent et qui se pognent. C'est sûr. En même temps, ça me dérange. Ben, je veux dire, je sais que ça se passe et qu'on ne verra jamais c'est ça. C'est une question d'esprit d'équipe. Ah. Mais j'aime ça le voir quand même parce que tu vois quand même un petit peu en arrière. Mais c'est formaté au bout. Moi, mais 24/7, je dirais à rigueur et peut-être un petit peu, ils font un petit peu moins d'embellishment peut-être que 24/7. Ouais, ils poussent un peu plus. Peut-être que 24/7, c'est un peu plus rude un peu, puis ils vont plus montrer comme les moins bonnes choses. 24/7, je dis, c'est-tu produit par le Canadien? Oui, mais c'est quoi? Ils font bien d'argent. Hey, les gars, moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que 24/7 aurait pu exister de l'époque de Jacques Martin puis de Monsieur Gauthier? Ça aurait été trop. Oui, mais ça aurait été plate. Non, il aurait jamais dit oui à ça parce que l'organisation était trop fermée. Moi, c'est ça le président. Moi, ça me surprend. Moi, ça me surprend. C'est le président. C'est pas le directeur là, général puis le coach. Non, mais. C'est le président. Moi, non, Jeff Monson a décidé, Chris, OK, comment tu ben, me donnes non, pour moi, faire ça? Au contraire. 100 millions? Pas tout, man. Ouais, il y a des caméras partout. Il s'en calisse, man, le directeur. Mais par exemple. Tu veux pas le faire, Jacques? Moi, je sais. En même temps, par exemple, j'ai le droit de décider qu'est-ce que tu mets. En non, même temps, mais donne-moi 100 millions, mais j'ai le droit de décider qu'est-ce que tu mets à TV. Ben, c'est pour ça que c'est tout filtré. Moi, Alex, je suis plus ou moins. En même temps, Alex, je suis plus ou moins d'accord avec toi parce que Jacques Martin, s'il dit, mettons, son président. Ben, ça me surprend. Moi, là, que je veux que. D'accord. Je veux pas avoir de caméra dans le vestiaire. Je veux pas de si c'est une distraction. Ouais? Ouais? Je pense que Bergevin est plus qui open. Qui paye ton salaire, bitch? Non, c'est moi, man. Moi, je te paye 2 millions par année. Hey, puis sur ça, là, toi, tu payes pas personne. Non, mais ça, parce moi, en tant que propriétaire, ça, je dirais, hey, ton 2 millions, là, tu Alex, par année, écoute bien, là. Moi, c'est pas parce que tu travailles pour Rogers que t'es rendu propriétaire du Canadien. Calme-toi. Hey, j'ai des actions Rogers, fait que techniquement, on va, à partir, on va oui, en parler je suis tantôt propriétaire. De ça. Mais je pense que les gars, par exemple, la période n'est même pas commencée. Fait qu'on va commencer la période. Droppons la POC comme ça. Voilà! Ça, c'était l'échauffement. On a scrappé. Période glace, de on a comme tourné en rond sur la glace un peu avant de commencer. On l'a scrappé, ça. Ben, il y avait une baie vitrée de pété. Oui, il y a eu un match cette semaine qui ont mis genre du plywood. Du plywood en Floride. Attendez, c'est pas un plywood. Pour le reste, c'est vraiment un plexi, mais ils n'ont pas enlevé les ils n'ont pas enlevé le carton dessus. Ils n'ont pas enlevé, c'est ça. Ah, pour vrai, carton protecteur. Le pauvre monde, elle s'en arrière de ça. C'est quoi? Faut que t'enlèves la pellicule. T'sais, mais ils l'ont pas enlevé. Ouais, mais là-bas, c'est parce que ça vient en option. Ils parce sont qu'ils n'étaient pas prêts, je sais pas. Ça, oh, fuck, fallait-tu enlever pellicule? Non, ils l'ont installé, puis après ça, ils ont vu ça, puis là, c'est fuck, on peut pas enlever la pellicule parce qu'on vient de l'installer. Fait, oh, fuck, off, on va laisser là. Ben, Chris, déchire là dans le bout, man. Ah, oh, ben ça, c'est... Bon, ouais, hey, assez de temps, hey, sa pellicule. On parle de baie vitrée, tout le monde. On a affaire à des génies de la manœuvre. Tu sais, le plexi, c'est une science tough, là. Bon, avant d'aller sur le sujet des bagarres encore une fois, là, j'ai quelques des nouvelles en rafale duquel on va parler par rapport aux Canadiens. Dans le mois de novembre, il y a Terrien qui a encensé Subban et Desharnais. Finalement, il fallait qu'après, il donne un peu de marde à Desharnais et à Subban. Il faut qu'ils aient encensé. Il coach bien, man. Le balancier est revenu. Là. C'est le moment. Ben là, Subban, il n'est pas mort. Là, hein? Je veux dire, ben non, mais... on disait que Terrien ne faisait pas jouer les cinq dernières minutes. Non, non mais dans ça. L'autre podcast, ouais, on a dit qu'il avait chié sur Subban dans les médias puis tout parce qu'il avait mal joué deux, trois la games. La game avant King. Là, il a fait l'inverse. Il ouais, mais quand t'es un Norris, là, t'as des attentes. Ben, hey, je me souviens, t'es un Norris. Il y a un peu raison. C'est quoi la game, là? Avant les Kings, il l'a envoyé dans la dernière minute puis il a fait une erreur puis ils ont compté. C'est Boston? Ah non, ouais, ils ont compté dessus, puis après ça, ils s'est fait sauver le cul. New Jersey, parce que New Jersey, non, c'est contre le New Jersey. Contre New Jersey. Il avait raison, il l'a envoyé dans les dernières minutes. Fait un over, puis on se fait compter, on était sûr. Moi, j'ai fermé la TV. En tout cas, Gianta. Ferme la TV. J'ai fermé ça, j'ai fait, ah fuck, c'est fini, j'ai fermé la TV, je suis allé me coucher. Puis après ça, il y a eu le but. Nous autres, là, on est des genres de petits gérants d'estrade, là, toute la population du Québec. Est-ce que vous pensez que les affaires qu'on ne voit pas de Terrien, il les a pas vues? C'est sûr que oui, il est influencé par. Ben, il l'a vu qu'il a fait un turnover. Mais il sait que Subban est de même, man. Bon, mais justement, Subban, tu l'envoies pas quand c'est égal. Si à la fin, Chris, tu sais qu'il est de même. Ben, c'est ça, mais le monde, il bitch dessus parce qu'il crisse pas Subban. Mais moi, je suis d'accord, là. Je veux dire, c'est vrai. Je vous rappelle qu'on parle du sujet que Terrien a encensé Subban. Ah, je pense qu'on a jamais entendu aussi bien Alex. Oh, mais c'est cool, pour vrai, man. Ouais, t'es présent, ah, Alex, man. Alex, il est là, il a jamais été aussi là. Hey, t'es bon, là, man. Ça, ça, il a enfin compris comment parler dans un micro. Ouais, Dave, ça, Dave, il triple au bout, man. Il te sent, là. Il te pense à pas. Si tu sais comment souvent... I can feel you, là. Je te sens bien, Alex. Ouais, je te vois. Là, je te vois. Ouais, je te sens bien, là. Je te sens bien, là. Il a bien fait d'encenser les deux, parce que comme ça, c'est en partie dernière. Ouais. En venant sérieusement. Ouais, puis Subban, regarde, il veut le voir aux Olympiques. Ben oui. Bon, hey, on peut-tu arrêter cette hostie d'affaires d'Olympique-là? Calice, si Subban n'est pas dans les Olympiques, on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. C'est pas grave. Un gagnant Norris. Arrêtez, là. Sérieusement. Là, vous faites vos fafans avec l'affaire de Subban. J'ai rien dit, moi. Gagnant, c'est honnêtement, là, je m'en fous, moi, si il n'est pas là. Moi, je pense que tu vas chercher les meilleurs joueurs, puis s'il y en a d'autres bons, ben tu vas y chercher. Sauf que, moi, tout ce que je dis, c'est que si Subban est là, puis que Price est là, on s'entend-tu qu'on va avoir vraiment une hostie de raison à être. Hey, ça s'ouvre bien avec un set de clés. Juste hein. Le bruit que ça. Un trou sur le clé. T'as-tu oui, vu l'opener, man? Ok, est-ce que... je pense que sur ça, on va enchaîner dans un autre sujet. Ah, c'est bon. Tout à l'heure, on a parlé du réveil de. Je vais finir mon point dans 8 podcasts. Ben, vas-y, Dave. Veux-tu finir ton point? Ben oui, là. Dave, finis-les ton point. Non, on dirait que ça me tente pas. On dirait que ça me tente pas. Moi, je pense qu'on a comme passé à autre chose. Je pense que c'est bon. Cabotinage. Ben, Dave, finis ton point. Je vais là. Le finir juste pour ceux qui l'ont écouté. On l'écoutait tout. Excuse-moi, ouais, c'est moi qui. Tu disais quoi, moi? Ben, tu disais que Subban était aux Olympiques à sa place. Exactement. Ça s'appelait ça, right, Dave? Ouais. Next step. C'est bon. Prochaine étape. Je fais juste ça plus court. On a parlé tout à l'heure que le réveil offensif de Pacioretty. Ben, Pacioretty a été le joueur du moment dans la. Le Pacioretty. Il a été joueur du moment dans la Ligue nationale. Il a été joueur de la semaine, je pense, sur NHL.com. Ouais, ouais. Ben, je voulais en parler comme ça. Là. Prochain... Ok, passe au prochain point tout de suite. Là, ben, c'est non, non, un des premiers défenseurs qui est dénommé un des trois étoiles de la NHL. Pacioretty. C'est rare qu'un défenseur nommé. Non, Subban. Ok, on parlait de Pacioretty. Non, on parlait de Subban. Non, on parle de Pacioretty. Oh, Alex, c'est Subban là. Tu retends de la groupe, Alex. Mais quel con! Bon, écoutez. Ok, mais sérieusement, Pacioretty, c'est quoi ses stats? Je pense qu'il y avait un match de 4 points ou quelque chose. Ouais, ben il y a eu son hat-trick après ça. Il a hat-trick, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Ben, c'était pas vraiment un hat-trick. Il comptait juste deux buts. Il y a eu aussi l'étoile de la semaine cette semaine. Oh, ouais, c'est ça. Il y a eu l'étoile. Ben, c'est ça qu'il dit. Non, mais il y a eu l'étoile sur NHL le jour qu'il comptait ses 3 buts. Puis après ça, il y a eu l'étoile de la semaine. Oh, il y a eu. Ok, il y a des étoiles du jour. Ouais, c'est comme le hat-trick. À chaque jour. Moi, je pense qu'il a compté deux buts, puis l'autre a dévié sur l'autre gars qui était en train de faire. Whatever, ouais. Game, il a tiré 15 points au net. Il a pas compté trois buts. Ben, techniquement. Hey Alex, là, il a tiré au fond sur le net, là, il était présent. Là. C'est ça qu'on veut dire. Mais le troisième but, c'est une déviation. Hey, c'est pas lui qui a tiré. Ouais, mais on s'entend-tu que j'aime mieux un but comme ça que dévier. Okay. J'aime mieux passer un truc brillant. Un hat-trick dans un filet désert. J'ai vous êtes incontrôlables ce soir, les gars. C'est une vraie honte. C'est toi, gars. Ça n'a pas d'allure. J'aime mieux Patrick Rété que Brière. Là, je veux qu'on aille 2 secondes sur le code j'aime Markov. J'aime mieux. Avez-vous eu une petite frousse en voyant Markov tomber le genou plié en deux? J'étais là live. Dans j'ai la game, mal au gosse. Ça paraît-tu vraiment, vu qu'il était là live, ça, pour de vrai, ça a-tu twisté à l'envers ou ça a twisté du bon bord, mais son... Ça n'a pas twisté comme c'est supposé d'habitude. Ça a twisté bizarre, mais... On dirait que c'est long à TV, qui est fucking. Tout de suite, je l'ai vu embarquer sur le banc parce que là, tu sais, on... Quand t'es live, tu vois vraiment quand ils vont sur le banc, la caméra reste pas dessus nécessairement. Puis tu l'as vu, puis il avait vraiment mal au genou. Puis là, j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, s'il rembarque sa glace à l'arrêt de jeu, c'est positif. Il y a une shit. Ouais. Mais on a, parce qu'on ils font tout ça, ils font tout ça, ils font... Ouais, ça, Alex, on s'en calisse, hein. Mais c'est pas grave. On a entendu, puis vous, Jeff, on s'en calisse. Non, c'est ça. Je pense que... Il est vraiment mal tombé. C'était bizarre comment il était tombé. Puis on se disait tout comme fuck, ça y est, c'est fini, man. Il a le genou fini, ce gars-là. Hey, man, c'est bon. Mais pour vrai, là, c'est. Moi, tout, j'étais vraiment inquiet, Markov. Puis quand on l'a vu revenir, je veux dire. Il était correct, mais tu vois qu'il avait mal un peu dans la game. Je pense qu'on se disait tout, ça se peut que la prochaine game, il soit pas là. C'est bon. Ah, moi tout, je pensais. Ça, il est peu paralysé. Au final, la game, puis tu vois que c'était rough tout le long. Ils peuvent je sais le pas geler, qu'il va manquer, genre, comme 2 semaines après. Ouais, c'est la prochaine ça. Game, il sera moi pas tout, là. Il va annoncer demain qu'il est blessé. Ouais. En plus, c'était comme son genou qui était pas blessé, là, qui s'est fait mal, ce coup-là. C'était le genou gauche. Ouais. Probablement que ça avait été l'autre genou, je sais pas. Mais pourquoi? D'abord, les journalistes se sont fuckés. Ils disent, oh, vous voyez comment les chirurgiens ont bien fait un bel job. Son genou, il a tenu. C'est ça des mangeux de merde. Ok, mais. Ouais, mais je veux dire, on s'entend-tu qu'à chaque fois que Markov se fait planter dans la bande, on retient tout le temps notre souffle. Ben oui, c'est ça. Mais comme... ben pas dans la bande. Pas dans moi non. N'importe quel. Mais de même, moi. Moi, je veux pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, mais pas dans. C'était la première fois que je voyais Markov se faire ramasser puis que je faisais comme oh fuck. Oh shit. Ouais. Ouais, c'est la première fois. Parce que d'habitude, je pense même pas à ça. Markov, il est assez. C'est normal, Brady, man. Ouais, puis c'est un joueur assez intelligent pour savoir comme. Comment pas là, se mettre dans la marde et pas se mettre dans une mise en échec ou d'une situation comme ça. Là, les ligaments croisés à cette heure, les opérations de tout ça, c'est assez solide. Tu sais, je veux dire, GSP s'est fait opérer au genou et Chris il prend sa retraite. Non, mais je veux dire, Chris s'est fait du combat, le tabarnak. Cabotinage. On s'entend-tu que les genoux sont atteints? Pas vraiment parler de ça, c'est ça. Mais. Il me reste deux petits sujets avant d'aller sur les bagarres, les commotions. Voulez-vous parler du combat Murray contre John Scott pendant que Mart en perd son micro? Échappe son micro! L'idée aussi d'avoir un mic sur une boîte. Mic check! Ouais, le combat Murray-Scott. Ben, bravo à Murray de l'avoir fait. Bon courage, mec! Bien, ça a saigné! Il a saigné, mais en même temps, celui qui écoute 24h CH, il a entendu qu'est-ce qu'il a dit. Que il était en fin de présence. Il était en fin de chiffre, puis il dit, man, c'est pas un gars, faut que tu te battes en fin de chiffre. Il a eu de la misère, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il a montré qu'il était fort. Il est solide, pareil, là. Ouais, sérieusement, moi, je l'ai dit. Sérieusement, il s'est ramassé sur le bord de l'œil, puis il est resté debout, puis il te l'a accoté dans la barre. T'allais faire ses points, man, il revenait à la game. Le nombre d'épisodes que Martin a encensé, justement, Scott, là, on a pu le voir en action, puis on comprend quand même un peu l'intérêt de Mark. Qui veut le pogner, sérieusement, là, je vais dire. Mais c'est un joueur salaud, quand même. Doc, mais c'est un joueur qui sert à rien dans les nationales. Il a été salaud, man, souvent dans sa carrière. Pas besoin comme ça. D'un joueur d'avant. Parlez pas comme ça, John Scott. Hey, il a été salaud, man. Non, mais sérieusement. Checker des highlights de John Scott sur YouTube. Il a non, mais c'est le genre salaud, de joueur. T'as pas besoin d'un John Scott. T'as pas besoin d'un Scott Parra si t'as pas besoin. En tout cas, moi, là, ben, ça, on revient après. Ok, check. Tout ce que je veux dire, moi, du coup, on parle de ce combat-là. Là. Du combat Murray, là, ce que je veux dire, là, c'est que Murray a vu Giunta se faire brasser après un arrêt de jeu. Murray a entrepris d'aller chercher John Scott puis de l'amener puis de dire gars si tu veux brasser quelqu'un ça va être moi. Ça sérieusement c'est un gros geste envers ton équipe. Qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il y a personne qui veut le dropper, c'est ton capitaine, t'as pas le choix de le faire. Sérieusement, Murray a fait une grosse action. C'est un gros. Puis il s'est fait faire des points de tout de suite après, puis il est revenu au jeu dans Pony période, John je pense. Scott. Puis Pony John période. Scott, puis ça c'est aussi, pas de la merde. Le fait de s'avoir fait donner les points de sûr, puis de revenir sur la game. Ouais, mais les joueurs, on mais c'est une grosse tape dans le dos de toute l'équipe, comme ok, je suis là, les gars. Ouais, mais s'il y avait tout le sang dans le dos, même, puis avec le chiffre que tu voyais, c'était la tête, dans le dos. Là. Ouais, mais ça c'est la vie d'un joueur de hockey. Ça montre la drague. Il y a du monde qui aurait dit, oh fuck off. ta cheville. Ah, oh, je suis blessé, je fais non, pas mal à la tête. Lui, c'est un team spirit, un là, genre, esprit d'équipe. Ouais. Il joue revenir ouais, les gars. Puis, Moi, je suis contre d'un an et tout. Ben, c'est bon aussi. Faut c'est, qu'il c'est monte ça aux autres équipes. Ouais. 1,6 Ouais. Faut qu'il gagne son argent. Mais sérieusement, pour ça, Murray. Mais sérieusement, pour vrai, ça, c'est la vie d'un joueur de hockey, par exemple. C'est de revenir dans le match avec, t'as mangé un slap shot, ça a achevé. Ouais, tu reviens. Tu te fais shooter, mon gars. Bournival, Bournival qui s'est fait shooter sur le pied, puis il revient après. Tu reviens. T'as un point sûr, tu te fais coudre, tu reviens. Ça, c'est comme, c'est hockey life. Mais OK, mais Murray, pourquoi qu'on voit que c'est un gars d'équipe, c'est... Premièrement, parce qu'il est allé chercher John Scott, il s'est battu contre, même s'il est en fin de shift. Il s'est sacrifié. Deuxièmement, oui, il a été blessé, il est allé se faire ranger, il est revenu. C'est pas juste qu'il est allé se faire ranger puis il est revenu. Tous les joueurs font ça. Là. Mais quel genre, il a voulu aller challenger, même s'il était juste, brûlé. Il a pas juste challengé John Scott. Comme je disais tantôt, il l'a non seulement challengé, il a sorti John Todd de là. Il l'a accoté dans la bande. Ah oui, ce il a bien il est fait. Fort comme un gars, puis il a pas mal paru contre John Scott. Mais Murray, un gros joueur. C'est pas parce que tu te fais ramasser sur le bord de la tempe, puis tu te fais que tu parais mal contre le gars qui t'a crissé une volée en réalité. Si tu permets, JF, j'ai une sous-question, moi, par rapport à ce scénario-là. Ouais. OK, Murray va pas chercher John Scott. John Scott continue à brasser jusqu'à temps que les refs interviennent. Comment que la game vire? Est-ce que Buffalo se dit... C'est John Scott. Est-ce que Buffalo se dit... Tu penses que c'est un game changer? Ben, non. Je me le demande. Parce que c'est comme... Non, mais John Scott, sa job, c'est de brasser. Fait qu'il va brasser une vedette. Je vous le demande. Non, mais parce que là, il est... OK, parce que là, Murray était sur la glace. Mais si ça aurait été Subban, Markov, Gionta, Plekanec... Pas dans une situation... Il n'y aurait pas eu brassage. Jamais. Probablement pas, non. Dans une situation comme ça... Non, mais écoute... Dans une situation comme ça, c'est pas un game changer. Dans une situation où juste parce qu'il brasse, était là. Non, mais attends, dans une situation où ça brasse puis que c'est vicieux, là je peux comprendre. On parle pas devient... de vicieux, on parle pas de vicieux, on ben, parle, si de, on parle brasser de brasser. Ben, si non, brasser non, peu, on parle de pogner le capitaine ben, puis il donner deux shots dans il la face. Il aurait pas fait ça. Ouais, mais capitaine, le capitaine, il fait rien parce qu'il fera pas ça. Le capitaine, il joue avec Plekanec, OK? Fait que là, ça serait, mettons, Gionta, Plekanec, mettons, il joue à Bernuval ou Gallagher. Après ça... c'est Subban puis Markov. Puis là, John Scott va sur Gionta. Il n'y a rien qui se passe. C'est pas un game changer. Non. John Scott, c'est sa job. Il n'y a pas personne qui va répondre. Gionta va y prendre. Puis après ça, ils s'en vont tous au bain. Il ne frappera pas. John Scott frappera pas. C'est parce que là, Murray était sur la glace. Genre, comme bang bang juste pour le fun. Pourquoi pas? Parce que non, parce mais que Murray, ben même. Non, il serait suspendu ouais, comme Thornton qui a frappé. Ok, l'autre. Mais juste de faire genre comme. Ok. Montréal, on peut les embarquer dessus. C'est pas grave parce que personne ils qui savent, est là. Toute l'équipe de Montréal savent que John Scott peut embarquer sur n'importe qui. Fait que pour le reste, c'est non. Comme c'est sa job. Mais Steve Ott, on check les grosses games qui se sont passées du Canadien Steve récemment. Si on check les grosses games, Boston puis Flyers, là, le Canadien domine au niveau des mises en échec. Fait que le Canadien là, joue physique pas mal plus que d'habitude. Là. Ok, bon, c'est bon, ça répond. Moi, je demande ben ouais, ça de ça. Même. Bon, ben c'est ça. Vrai. Puis, j'ai un autre sujet qui m'a été écrit sur ma feuille pendant qu'on jasait. Ah, ben. Le match Flyers-Canadien, Gallagher qui s'en est pris au goaler pour défendre Gionta. J'ai bien fait. Pendant qu'on parle du Team Spirit. Faut les mettre des fois les goalers à leur place. Je pense qu'ils sont tous permis parce qu'ils sont protégés, mais des fois, ça vaut à peine de donner une petite chat, tu sais. Comme les goalers qui sont tout le temps leur net, là, ils méritent des fois de se faire plaquer. Si encore qui défend genre son capitaine. Là, ah, mais fond, lui, là. C'est un petit Chris, il va tout faire. Mais ça, c'est ça qui j'adore. Bon, puis dernier moi, point. Je veux pas voir Gallagher faire trop ça, par exemple. Ouais, c'est je veux ça, pas, pas qu'il devienne le joueur salaud. C'est son style de jeu. On veut pas. Oui, c'est son style. Mais il n'a pas été salaud, il a défendu son joueur. Non, je sais. Non, mais Alex, je veux pas le voir au banc des pénalités. Je veux pas qu'il prenne des deux des pénalités là-dessus. Conneries de même. Je veux pas qu'il. Y a-t-il des pénalités là-dessus? À la fin du match. Le match est fini. Parce que, ouais. Mais le reste du temps, Gallagher est en avant du net. Il fait jamais. Gallagher jamais fait pénalité. Très bien sa job comme il a fait d'habitude. Mais d'habitude, il n'en pogne jamais. C'est une job qui est dure, ça. Il va en avant. Non, mais il va en avant du net. Il brasse. Ouais, souvent, pas, le monde, il pogne des pénalités à cause dedans. De lui. Ouais. Ben, moi, les goalers, ouais, anyway, si là, t'en donnes plus à je me porte à leur défense parce que souvent, ils ne sont pas très bien protégés. Quand Carey Price donne des coups de blocker en arrière de la tête d'un gars en avant, ça fait partie de la game. Non, mais je veux dire, c'est correct. Oui, c'est correct s'il est dans ton domicile. Fuck off, man. Non. Fuck off. Bon. C'est ça, là l'important. On va en reparler une autre fois d'abord. Des règlements de goaler. Non. De quoi? Partez pas là-dessus. Un goaler, faut qu'il se défende. Toi, le goaler, il faut qu'il fasse absolument rien. Ok, si le goaler qui met en avant son bâton quand le gars essaie d'en dîner pour protéger le gars qui est en dîner. Tu sais, il s'avance puis il met le bâton en avant. Là. Non, excuse, c'est légal, quand t'es un goaler puis t'avais comme dans le temps que Holmstrom, parce que il là si tu rentres mais... dedans, c'est pas bien vu. Le goaler qui va tout le temps en arrière du net, puis asti il protège la puck, puis y a pas un joueur qui quand le goaler sort de son demi-cercle, c'est un joueur, t'as le droit de le frapper. Le trois quarts du temps, la situation que tu dis qu'ils sont que le goaler met son bâton devant son net, là, la part du temps qui se passe, il perd son asti de bâton, man. Non, il se ramasse pas de bâton. Allez pas trop loin ce sujet-là, on va le garder pour un autre parce que ça a l'air que les opinions divergentes, fait que je le note. On va le noter pour se signer, hein. Dernière affaire ça, avant de parler de justement des bagarres, là, puis on va essayer de pas trop s'étendre là-dessus, là, mais on fait quoi avec Brière? Juste 5-10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait avec Brière? Brière? Là, il y a eu plein d'affaires. Pas de temps sur Brière! Dave, Dave, non, mais... Dave, Dave. Parler de Brière, donne-nous une période complète. Ben, Dave, non, mais Dave, Dave va juste chercher ses stats. J'aime ça quand tu me non, mais parce que là, il y avait eu... Il y a des choses qui sont sorties dans les dernières semaines par rapport à Brière, que Brière était pas content de son temps de utilisation. Ben ça, c'est dans ses stats. Tu veux savoir quoi? Son temps de glace? Non, ses stats. Son temps de glace, c'est 10 points en 23 matchs. OK, mais... Non, mais il y a quelque chose qui est sorti que, comme quoi qui est insatisfait son temps de glace. Ouais. Ça, c'était pendant que l'équipe gagnait. Non, mais ça, c'était pendant que l'équipe gagnait. Comme quoi qu'il était pas content que son temps de glace puis il chialait. Attends un peu. Pendant que l'équipe gagnait, honnêtement, il jouait pas mal puis il a fait des points. Oh, il a joué des matchs de 8 minutes, 9 minutes. Quand il jouait avec Gianta puis Plekanec, ça marchait bien. Puis le trio fonctionnait puis il y avait de la présence à la glace. Puis il n'était pas utilisé. Ça, par exemple, là-dessus, je dois avoir d'accord. Une raison qu'on connaît pas. Il l'aime peut-être juste pas, man. Mais ben, moi, peut-être que c'est un petit fendant qui pense pas à l'équipe en premier. Peut-être. Il joue pas bien, le Brière. Non, mais il pense pas. Je le défends pas. Je dis juste que cette période-là, dans le temps, au mois de novembre, je m'excuse, mais il était pas si pire que ça. Il y a eu. Puis il faisait la baboune quand même dans le vestiaire. Je suis peut-être, man. Ça, moi, je pense que Brière, c'est un gars. Malheureux à Montréal. Il est pas content ici, il veut jouer au centre. Mais il pensait quoi, c'était pour être la grosse vedette? Ouais, mais c'est parce que lui, il pense qu'il va arriver à Montréal et être une genre de diva, là. Ouais, mais Michel, là, Michel Therrien, il coach on pas a un même. Joueur fini. Michel Therrien, il coach pour gagner des matchs. Puis que Michel tu sois Therrien... un vétéran ou pas un vétéran, t'es le pro, tu fais un an, t'es même pas un an, t'es dans parce l'équipe. Que t'as beau pas être satisfait de ton temps de glace, tu joues pas. Tu gagnes, mais l'équipe tu gagnes ton temps de glace aussi. Ouais, puis l'équipe gagne. Ferme ta gueule, sois joueur d'équipe, t'es partner, tout le monde gagne. Moi, par exemple, je me confesse, je n'aime pas Brière. Man, depuis le temps qu'il est tradé à Montréal. Mais ton père t'a convaincu, ça t'a dit à premier épisode. Ouais, mais sérieusement. Ouais, pis sais-tu quoi? Pis là, je me rends compte que qu'est-ce qu'il me dit, dans le fond. Il a raison. Ça s'est pas concrétisé. Il a raison, mais Chris, le Brillant, il fait pas un job. Ben, c'est ça. Contre le match contre Philadelphie, là, tu l'as regardé, il patinait même pas. C'est bon, tu tiens de dire que ce mon père me dit. Ben, c'est vrai, c'est dommage pour lui. Ce que j'ai le plus marqué, ce qu'il me dit, c'est genre. C'est dommage, il arrive en fin de carrière quand il vaut plus rien. Hey, ben, Philadelphie, il vient tout en fin de carrière puis il nous donne plus. Hey, il gagne combien par année? Les boys, okay. Brière. Ses stats puis son salaire annuel. Okay, 4 millions. Temps de glace là, de Brière. Là. On parle en moyenne, parce que j'ai pas son temps de glace, là, mais on a temps de glace moyenne, 12 minutes 49. C'est pas beaucoup pour un premier centre. Ben, il était premier centre avec. Il est genre premier centre. Il était deuxième centre avec. Il est 17e dans l'équipe dans le temps de glace. On a avant lui. Sur 23 joueurs. On a avant lui à l'attaque Plekki, Gio, Pacioretty. On a Heller, on a Gallagher, on a Desharnais, on a Galchenyuk, on a Prost. On a. Ah oui, mais tous des joueurs qui jouent mieux parce que lui présentement aussi. On a-tu un Mowen, un White, quelque chose d'autre? C'est le dernier des attaquants qui sont c'est le dernier. Bon. Ouais. C'est parce qu'il ne joue pas sur le powerplay, il ne joue pas sur le piqué. Il joue sur le powerplay, deuxième Non, excuse-moi, tu as raison. Il va jouer sur le powerplay, mais il ne jouera jamais sur le piqué. Il est quasiment chanceux d'être blessé au début. On l'a presque oublié au début. Les boys, Mowen, il y a genre 11 minutes... 48 de temps. Fait qu'ils ont une minute de différence. Mais tu sais, il me semble, d'un match contre Philadelphie, il aurait dû se lever, le Brière. Ben c'est ça. Pis son meilleur move de ce match-là, ça a été de saluer à la foule. Ben, pendant le match, j'ai envoyé à GF justement comme hey man, faut parler de ce gars-là. Parce que pendant le match, là, j'ai écouté une période et demie peut-être. Là, il me tapait tellement ses nerfs parce que je voyais qu'il s'en calisse. Je disais, il a bien joué dans le mois de novembre. Il patine pas, il dompe la puck puis après ça, il glide. Hey, man, tabarnak, il dompait pas juste la puck, il dompait la puck puis après ça, il faisait comme j'irai pas la chercher. Ben, il va pas, souvent, ça va faire un changement. Puis à un moment donné, il a fait un changement. Faisait pas longtemps que t'as hey, t'as tu vu après pendant que l'autre équipe tu l'attaques as-tu vu après What la game après doing? La game il disait oh je pense que notre trio a bien joué je pense qu'on a été offensif je pense que Ta gueule! Puis moi, il me fait rien c'est foutu. C'est là que j'ai texté JF comme, what the fuck, faut parler de lui. Mais sérieusement, le Brière, là, c'est comme, il est vraiment, je trouve que. Puis souvent, tu vas le voir, il est immobile, sa patinoire. Ah, il est jamais comme pas. Constamment en mouvement. J'aime, mais ça, c'est un joueur frustré. Moi, j'en remarque beaucoup les joueurs qui vont tout à bouger leurs pieds. Ils seront jamais lui, c'est comme ça, vraiment il immobile. Pas, il glide. Lui, il se laisse aller, il quand est stoppé. Quand on parle de même après la période, c'est comme si on se pognait après. Ouais, c'est comme un escargot. Il glide, il se laisse échauffer. C'est pas pour avoir. C'est pas beau à voir, moi, sérieusement. Là, c'est comme. Mais Andy Arnett et Brière, c'est comme. Andy Arnett et Brière, je garde Arnett. Parce qu'il est plus jeune. Ah, oh, ben oui, facile. Fait que, ben, ça, c'est un choix facile. Dernier, moi, là, je suis tellement écœuré de le voir tomber sur le cul. Ah, ouais, mais il est en avant du net, c'est pour ça qu'il tombe sur le cul. Brière, lui, est sur le côté, puis en arrière. Il partout, ça passe son œil. Surtout qu'il y a un gars qui arrive en avant de lui, le boom, il pousse un peu. Ah, mais Chris, il, hey, man, sur il est notre grandeur, le gros, dos. Man, notre poids. Je sais, man, il est pas assez. Ben, je sais pas, sa glace a tombé tout et tout. La période est finie, puis il faut qu'on parle des bagarres avant de faire le tour de la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue tout de suite, ou on part à la troisième, ou on attend fin d'entraide? Ben, si on parle des bagarres, on va. Okay, attendez, il me reste une petite affaire rapidement. Ouais, on peut la mise en échec de Emlyn sur Downey, suspension légal. Ou pas? Pas de suspension. Il n'y a pas eu de suspension, il n'y a pas eu d'audience pour son geste. J'ai dit sur Facebook, n'importe ben, qui, pas de suspension. Downey est revenu un peu vite, là. Je pense qu'il a beurré un petit peu. Ok, mais moi, non, moi, je vais pas y aller de même, là. Je vais y aller juste dans le sens de la Ligue nationale n'a pas de standard, je m'excuse, là. Puis si on. Puis à la dernière minute, tu regardes la minute, puis il a l'air de vouloir l'éviter. Ouais, ben il change de direction. Puis à la dernière minute, puis... il finit quand même par lever le coude. Fait que juste pour avoir levé le coude, j'aurais pensé peut-être à un genre 1-2 match. Non, mais il est pas droitier, lui, tu sais, genre, faut qu'il. Ok, moi, là, j'y vais sérieusement là-dedans, là. Ouais, poc, là non, puis... il y avait pas à poc. Mais ouais, je veux juste votre opinion, au final, de savoir. Il tourne son coude avec son bâton, il va chercher à poc, parce que c'est un droitier. Je dis que c'était limite, là, honnêtement. Moi, j'y vais à FNAF. Je trouve que Donny a fait un move bizarre. Ouais, il s'est penché. J'ai été surpris d'Emeline de sortir ouais. Quand même, de ça, faire une motion. C'est pas le genre du gars pantoute. C'est pas le genre d'Emeline, ça m'a surpris de lui. Mais je pense que l'autre joueur, il est revenu sa patinoire après. Je me suis dit... Mais pour donner à Emeline le bénéfice du doute, il a quand même essayé de l'éviter. Le dernier point, comment ça que les refs, là, il est revenu au banc, puis tout, puis on a eu comme quoi... Une bonne 45 secondes, puis après, si on décide que c'est pénalité, c'est il y a eu un 5 majeur, puis sorti de la game. C'était, ouais. Hey, mais ça, c'était fucking ça. Ouais, il n'y a pas de pénalité, t'as là, puis on ah, ok, ouais, t'as une pénalité. Mais le gars, il non, dit mal. Mais là, on rentre dans un autre range. Ouais, ouais, ouais. Mais selon moi, ça avait l'air vraiment d'un accident. Le coach l'a renvoyé, n'importe qui, il aurait dit. Il comprend pas, il parle pas anglais. Mais tu sais, nous autres, on le regarde au super slow, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Ça paraîtrait même pas, ça va l'air légal. Je le fais, je change du. Finalement, ah oh fuck, si je suis comme déjà en motion, bang, moi je dis, penche le coude, ah oh fuck, man, tu sais. Fait que moi je dis c'était légal, mais je comprends ton point d'avis parce que pour de vrai, les deux points sont valables. Ben, non, je pense que je te dis c'était limite. Ouais. Vous les fans, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense pas que ça. Autre question sondage, fais un autre à côté de l'autre avec 30 joueurs. Bon, juste un sidebar sur le site avec plein de questions. Fais juste ça, des sondages. Je pense que je vais repenser ma section sondage un peu. Non, mais tweetez-les ceux-là en place. Non, mais ouais, ça a arrêté dans le top, là, ça a arrêté genre un 2 match, je pense. Un match. Un 2 match parce que. Brendan Shanahan ne donnera jamais. Shanahan. Shanahan. Brendan Shanahan. Ne donnera jamais plus que 2 matchs. Ne donnera pas un, man. Pas parce qu'il va donner un. Sur ce, on va aller faire la deuxième entrée. Quand on revient en troisième avec les bagarres. Sur quoi? Sur ce, là. Puis une autre page complète. Une autre page de Around the NHL. Alors, on fait une entrée et on vous revient. On est de retour pour la troisième période et on va parler des bagarres, messieurs. On va starter la période. Puis tu sais, le hockey quand même, ça brasse, puis c'est pas un sport de fif, là. This is not fucking baseball! Bon, yeah. Voilà, c'est et dit. Voilà. ouais, je voulais qu'on vienne sur les bagarres, les commotions, puis tout ça, les coups à la tête. Puis je veux qu'on starte ça avec Danny Dubé, qui était là, tout le monde en parle, il y a deux semaines, et puis qui a donné son opinion sur les bagarres. Je propose qu'on écoute ce qu'il a à dire. Bon, là, je veux pas les droits là-dessus, fait que, ben, Guillaume Lepage, mange la merde, là. Et ça a l'air qu'il faut insulter le monde à cette heure pour aller tout le monde en parle, câlisse. Bon, éditorial. Fait que je pars ça et... Qu'est-ce que t'es hard? Je suis hard en tabarnak. Jeff, j'ai pas. Donc voici les propos de Danny Dubé à tout le monde en parle concernant les bagarres et les coups à la tête. Écoutons ça. Danny, 10 anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey veulent intenter un recours collectif contre la Ligue parce qu'elle ne les a pas suffisamment protégés contre les commotions cérébrales. Est-ce que c'est une démarche que tu appuies? Absolument. Ça fait longtemps que... Je me dresse contre les coups à la tête, les coups vicieux, la bagarre, l'élimination de la bagarre. Moi, je pense que la sécurité d'un athlète, ça doit être prioritaire pour les réseaux de compétition. Il y a longtemps, j'ai proposé que les alignements soient réduits. Parce que souvent, là, pour avoir une solution, il faut aller dans le passé. Et en 1900, au début des années 70, ils ont intégré le 18e patineur. Donc, les alignements de 20 joueurs. 18 plus 2, 4 trios. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de bagarres puis de violences dans la Ligue nationale. C'était l'arrivée des Bruins, des Flyers, etc., les durs à cuire, les matamores, l'échec avant, beaucoup de lancer la rondelle, dans le fond, courir après, frapper les joueurs, leur faire peur. Si tu joues à 3 trios, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que tu vas manquer d'énergie. Alors, là, on me dit, oui, mais l'association des joueurs voudra pas, mais on parle de faire une extension. Si on enlève un joueur par alignement, on pourra pas jouer de la même façon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la suggestion de Danny Dubé? Ouais, son raisonnement, il est bon. Danny Dubé, d'ailleurs, c'est à cause de lui que maintenant les bandes sont arrondies là, depuis l'accident de Patcherity. C'est lui qui a soumis à NHL la nouvelle baie vitrée, dans le fond. Pour vrai, il n'y a pas tort, hein, qu'est-ce qu'il dit? Non, il a raison, mais je veux dire, honnêtement... Est-ce qu'on voudrait voir comme une ligue nationale comme ça, pas de bagarre à cause que justement mettant des efforts pour éliminer les bagarres. Ben, à trois trios, mais c'est comme un quatrième, mais juste à deux joueurs qu'il faut que tu alternes T'aurais pu ce type de joueur-là dans la ligue, fait que ça arrêterait. Là. Parce qu'il y en a un par équipe, fait que lui il veut l'enlever. En même temps, t'aurais peut-être du hockey un petit peu plus salaud, là, tu sais, des petits coups d'injoreille. Ben justement, là, on va embarquer aussi dans notre comme genre section qu'on voulait se dire qu'est-ce qui arriverait si on enlevait les bagarres dans la Ligue nationale. C'est comme que lui il dit, mettons que si tu prends l'équipe des Bruins, ok, il y a les bagarreurs, il y a Thornton, il y a Lucic qui peut se battre, il y a Marchand qui mais Marchand, dans ce temps-là, dans ce scénario-là que je me fais dans ma tête, c'est que ben les Canadiens jouent contre les Bruins, Marchand, genre vraiment. Comme il fait du genou pour piquer Subban parce que les deux saillissent. Mais après ça, Marchand, genre, il n'y a rien qui se passe. Il sera pas puni. Il va être puni. Il va avoir une pénalité. Sauf que Marchand va faire du genou contre piquer Subban. Les deux saillissent. Moi, je dis ça dans mon cerveau, dans ma tête. Ça fait que lui, après ça, s'en tire de ça, puis il n'y a pas de conséquences physiques. Juste que, tu sais, quand il y a un batailleur ou quelqu'un. La manière que le hockey est fait aujourd'hui. Tu sais que s'il fait ça. Il va se battre. Paros va le pogner. Mais à ce moment-là. Paros va pas pogner. C'est ça l'affaire. Mais je dis Moen ou Pross. Mais personne va pogner vraiment Marchand en tant que tel. Ils vont peut-être quoi? Ils vont une mise en échec. Mais ça, ok, ça va faire les jeux à la Scott Stevens. Qu'après ça, lui, il voulait pas se battre. Ça va faire les mêmes jeux. Parce que t'as aucune conséquence. Fait que Scott ce qu'il veut. Mais non, mais à ce moment-là, est-ce que ça serait pas une solution de resserrer les règlements puis d'être plus sévère? Ils ont toujours essayé de faire ça. C'est ça la solution. Mais est-ce qu'on veut? C'est possible, c'est ça le problème. Les arbitres. C'est possible sur l'air Batman? Non, pas présentement. Là. Pas avec la mentalité qu'on a. Parce qu'on s'entend que c'est ça qui vend les bagarres. Ben, c'est ça qui est le problème. Un de ses chevals de bataille. C'est un gros marché au stade. Ça revient un peu à ce que Danny Dubé disait, la sécurité de l'athlète. Mais là, eux autres, ce qu'ils font vendre, c'est les combats puis justement les combats. Sérieusement, moi, je pense que. Les combats, c'est moins bien vu aujourd'hui et tout ça. Je pense qu'on veut essayer d'éliminer ça parce que c'est sûr que c'est pour le commun des mortels, c'est pas beau à voir en tant que tel. Mais je pense pas que c'est ça la pire affaire dans la Ligue nationale. Je pense que il devrait suspendre beaucoup plus les coups à tête. Ben moi aussi je pense que c'est commencer à régler les cheap shots. Ok, règle les cheap shots. Commence à donner encore plus de choses de pénalité. On devrait, ils ont commencé à faire ça. Un joueur qui fait ça. Ça fait pas de différence. Depuis le début de l'année, il y a eu plus de suspensions que jamais eu. Mais fait aucune différence dans les matchs subséquents. Faudrait que la suspension. Faudrait qu'elle soit plus sévère dans le sens. Faudrait que ça affecte l'équipe en tant que telle. Regarde, faut que ça coûte 100 000 $. Comme la NFL. Faut que ça affecte pas l'équipe. Non, faut que les amendes soient de 100 000, 200 000, ben 300 000. Faut que ça affecte comment l'équipe. Ça fesser dans la poche, pas rien que ça, du joueur aussi. Comment ça. Dans la poche. Faut que tu fasses dans la poche. Frappe des couilles. Non, mais pas vrai. Non, mais je pense que. Trois lattes, mon gars, man. Dans la poche. Coup à tête, trois coups. Avec un bâton d'or. Non. Avec une genre de grosse palette en bois qui mesure deux pieds de long. Là. Ou avec un bâton de goaler, esti, mon gars. Speng dans la poche. Excusez, j'ai dérapé, mais ouais. Non, mais sérieusement, je pense pas que les combats soient si intenses qu'un coup de coude dans la gueule. tu vas voir des combats, les gars, ils vont se donner une coupe de shot, ils sont pas vraiment sonnés. Ouais, non, c'est moins pire. On a vu des commotions suite à des bagarres. Le gars, il tombe à terre puis il se pète la tête. Sont-tu importants pour autant? Non. Ben, tu sais, ils ont perdu de l'importance, mais en même temps, ça l'inculque un peu le respect. Ouais, mais en même temps. En les enlevant, non, mais en enlevant les bagarres, on sait pas qu'est-ce que le hockey deviendrait. Il y en a toujours eu. Mais qui? Non, mais c'est ce que ça arrive, les bagarres. Va-tu avoir plus de coups vicieux? Il va-tu avoir plus de coups vicieux qu'on met sur justement, c'est si. Va-tu avoir que ça va-tu si avoir si tu enlèves les bagarres, c'est... faut que tu resserres le règlement. T'as pas le choix. Là. Tu peux pas juste enlever les bagarres straight, mais pis c'est tout, puis tu continues à rapper de la même façon. Là. C'est justement c'est cette solution-là. Parce que moi, je pense pas. Que moi, je pense que Boston, sérieusement, est une grosse responsabilité de toutes les équipes qui veulent aller chercher un goon. Boston, ils ont fait comme la course à l'armement. Pour moi, là, je trouve, là, ils ont tellement fait mal à du monde. Des coups salauds, des coups pas salauds. Ils jouent tough, ils jouent dur. Tout le monde se dit, la seule façon qu'on a de se faire respecter, c'est d'aller chercher un tough. Ouais, parce mais ça, c'est grâce au repêchage. Ils n'ont pas été chercher un tough d'après un échange. Ben, ils ont Thornton. Ils ont tout eu un gars qui était complet. Il y a Lucic qui est capable de repêcher. Fait que toutes les équipes nous, se disent, ça nous prend au moins minimum un gars qui est capable de faire cette tâche-là à 100%. Ouais, mais il y en a 4-5, eux autres. Fait que moi, je reproche beaucoup aux Browns d'avoir amené cet événement-là. Les Big Bad Browns sont revenus en force avec cette philosophie-là des années 70. Ouais, mais c'est même bon pour le hockey, ça? C'est-tu bon pour le hockey? Je sais pas. Mais ils sont venus imposer leur style dans l'Est. Moi, je pense que les joueurs, présentement, ont assez de talent pour compenser le spectacle que les bagarres amènent. C'est juste ça le but. Ouais, puis dans le fond, là, qu'est-ce que ça amène? Là? Ouais, c'est toujours l'éternel débat. Les Red Wings ont réussi à gagner comme ça. La même affaire que ça ramène tout le temps, c'est comme, pour de vrai, avoir le hockey sans bagarre, en oubliant tout, les équipes, voilà. Avoir une game sans fight, ça serait une bonne game quand même que de l'avoir avec une fight. Eh oui, c'est sûr. Puis c'est juste que. Non, moi, ça, là, je veux dire. Tu es prêt à le laisser aller ou. L'affaire des bagarres, moi, là, c'est que j'adore une bagarre qui est dans le feu de l'action. J'haïs une bagarre qui est planifiée parce qu'il faut que ça ait lieu. Parce qu'il y a deux batailleurs qui sont sur la Or patinoire. Puis Paros. Paros, Or qui drop les gants, puis tu le vois se lever les manches, puis OK, on va se battre. Let's go. Une genre de cérémonie de bataille. Moi, j'aime une bataille dans le feu de l'action, c'est comme j'ai pas le choix, faut que je te pogne parce que. Genre, les gars se pognent, puis on peut pas les laisser aller ça. Non, mais un autre, ça une autre façon un peu de ma culture hockey. Une autre façon qu'on pourrait prévenir ça en place d'enlever un joueur, puis tout, c'est que tous les joueurs de la NHL ont besoin de porter un full face. Oui, ben ça, on en avait déjà parlé aussi que mais les pas recrues... demi-visière, parce que demi-visière, ça bat. Là où je te dis un full face. Ben oui, mais les joueurs accepteront jamais. La ligue. Imagine, là, mais là. L'association plus des joueurs. Ouais, mais l'association des joueurs acceptera pas ça, là, présentement. Là. Je sais. Mais avoue, ça, en place d'enlever un joueur. Pour l'association des joueurs, peut-être qu'elle accepterait parce que justement, il n'y a pas quelqu'un qui perd sa job. Qu'est-ce qui se passe? Drôle, là. Hey. Les deux, là, vous riez dans le fond. Là. Dave va cracher sa bière sur le mic. Ben, c'est toi qui se dis, Alex. Là. On parle, hein? C'était direct capsule. Voilà, dardé. Non, dardé. Mais pour de vrai, le capsule trip très. Pour de vrai, si tous les joueurs porteraient un full face comme dans Junior, ben pas Junior, mais. Hey, Moen porte un full face à Star. Un full face? Non, excuse. Le visière. Moi, je t'ai dit un full face. Ok, pas full une face. Non, tu peux pas faire demi, ça. Pourquoi? Ça met une full face. Ben, full face, c'est pas le fun. C'est pas le fun respirer hostie d'un full face. Ben, hey, dans le Pee Wee et dans le novice, jusqu'au Bantam, là, avant le midget, là, ils portaient un full face. Ouais, mais c'est pas ils le ont fun. Tout appris les à jouer au hockey de même. Ils ont tout appris depuis qu'ils sont jeunes de jouer au hockey. Ouais, mais c'est quoi? Aussitôt qu'ils arrivent dans le junior, ils enlèvent ça puis ils se collent. Ouais, pourquoi? Parce que c'est macho. Parce que c'est pas cool. Si t'es un batailleur, faut pas. Ben oui, parce que si t'es un batailleur, tu peux pas porter visière. Je pense pas que c'est juste macho. Non, mais c'est vraiment paru. Demande aux joueurs, puis je pense pas qu'on dit ah, c'est macho. Ok, mais non, ouais, non mais t'as on peur. Met pas de visière parce que c'est. Ben pourquoi d'abord que quand c'est macho. Ils ont été repêchés dans la NHL pour le nombre de points qu'ils ont fait aux juniors, qu'ils portaient une visière, pourquoi que ça changerait dans la NHL? Pourquoi que le gars il enlève sa visière? Ok, non, t'as peur. Parce que. Mais pourquoi tous les batailleurs ils ont pas de visière d'abord? Maintenant, obligatoire. Ok, Paros, je vais mettre une visière. Je veux mettre une visière, man. C'est à John Scott. Je veux mettre une visière pour les batailleurs. Alex. Ils veulent pas. Mais il y en a des batailleurs qui ont la visière. Ok, non. Mais sérieusement, ok, t'as peur. Là, à Star, man. Ouais, parce que Chris, il y en a. Hey, les boys, t'as peur. Un batailleur qui est pas blessé. Murray, là, je pense qu'il y a une visière, man. Non. Ouais. C'est pas un batailleur, c'est un défenseur. Ben, c'est pas grave, c'est battu contre. Il y a une visière, mais il n'y a pas un full face. Son point, c'est le full face. Là. Okay. C'est pas la visière. Ouais. C'est vraiment le full face. Hey, les gars, je peux juste parler une affaire. Genre, la visière, là, c'est une affaire de. Le joueur qui arrivait anciennement, là ça commence à changer, mais le joueur qui arrivait anciennement dans la Ligue nationale, qui jouait sans visière, c'est genre, moi j'étais un tough, je suis capable de jouer ça à visière. Ben, c'est ça. Je suis un joueur c'est qui un est prêt à se battre. Tu l'as fait passer. C'est, quand tu, c'était le message de « on fait ouais, passer mais... », moi, je suis mais prêt dans à junior, battre. Je joue avec une visière. Parce que tu te bats ouais. pas avec un gars qui a une visière d'habitude, OK? Plus anciennement. Ben, c'est ça. Fait que là, t'arrives puis avec une demi-visière. Le point est ouais, qu'à Dave, la place Dave, que... Dave, quand t'arrivais point... à la Ligue nationale avec une demi-visière, tu t'affichais comme un joueur qui était pas vraiment prêt à se battre. Quand t'arrives pas de visière, t'es... Exact. Non, mais c'est ça pareil. C'est vrai que c'est ça. Puis là, ça commence à changer. Il y a des joueurs qui se battent puis qui ont demi-visière qui sont prêts à, peut-être à même enlever leur casque dire, pour régler des comptes. Mais mon point mais... est que Danny Dubé a dit qu'il faudrait enlever un joueur par équipe. Fait que ça veut dire qu'il y aurait 30 gars qui perdraient leur job dans la Ligue nationale. C'est sûr que l'association des joueurs va être contre ça parce que veut pas, c'est un syndicat. Puis il y a 30 gars qui perdraient leur job. Fait que je dis qu'en mettant la full face à tout le monde, tu préserves la job à 30 gars. Parce que les gars vont quand même peut-être jouer. Peut-être qu'ils vont être envoyés. Là. Peut-être qu'il y a d'autres gars qui vont. Mais il veut pas, il y a 30 gars qui vont rester. Ça va quand même jouer à 4 trios. C'est juste que tout le monde va être full face. Puis il n'y aura pas de bataille. Ils vont peut-être l'avoir, mais les gars vont enlever le masque. Ils vont être pénalisés 2 minutes. Ouais, ouais, mais ça va arriver faire. Encore. Ton mais c'est juste qu'au moins, il y a 30 gars ton qui gardent leur job. Ça, c'est comme à peu près la solution la plus improbable, je pense. Je sais. Non, parce mais que c'est la des puristes, la plus logique. Mais par c'est exemple. Pas une question de puriste. Ben c'est... oui. Non, sérieusement, non, c'est logique, moi, là, tu me parles de la Ligue. Hey, Alex, joueurs, si... mais je suis pour l'évolution du hockey. Mais okay. Ça les protège. Toi, okay, la seule ben... raison qu'ils mettent une visière pour toi, là, à la place d'un full face, c'est parce que genre, on est tough. Puis si mais non, mais les équipes, c'est pas ça la seule raison. Si on sert le règlement, c'est bagarre d'abord, à place. Hein? Gardez vos visières comme vous voulez, podcast, n'importe quoi. Bagarre, suspension d'une game, ouais, mettons. Oui, ça, j'aime mieux. Tu non, veux mais... le faire pour changer le momentum de la game, fais-le. Ah, mais encore, des conséquences Jeff, avec ça. Jeff, on a parlé au téléphone. Non, mais c'est des suggestions, que, là, ça. Dis, OK, non, mais attends un peu. C'est... Juste une demi-visière, on s'entend, ouais, c'est pour protéger les yeux du joueur. Oui. C'est pour protéger comme... Tu sais, je veux dire... Mais il va l'enlever son casque. C'est pour protéger tes yeux, la demi-visière. Moi, j'en parle pas dans ton full face. Ça marche pas ton full face. On a changé de sujet. Alex, sérieusement. Ton full face, ça marche. Je te dis juste que, je te dis pas qu'ils vont l'accepter pis tout, pis que ça marche. Je te dis juste que Chris, c'est une option à regarder que 30 gars dans la Ligue nationale vont garder leur job. Si on coupe un gars dans chaque équipe, ben il y a 30 gars qui perdent leur job. On va couper un gars. Puis là, pis quoi, vous pensez que ça va arrêter? Okay. C'est juste, hey, ça, c'est une façon de garder tout le monde. Ils vont-tu dire oui, les joueurs? Non, ils sont habitués de jouer avec une demi-visière. Oui, la demi-visière est là pour protéger les yeux. Quand le gars n'a pas de visière, ça veut dire, OK, je suis prêt à me battre. Ouais, mais ça a changé. Ça, ça a déjà évolué. Ça, ça a déjà évolué. Ouais, mais Alex, c'est juste que ça pourrait aider. La demi-visière, là, ça a déjà évolué. Les gens la portent de plus en plus. Les défenseurs, n'importe qui y apporte. Mais c'est enlever complètement, mettre un full face, c'est comme... Chara n'a pas de demi-visière. Tu sors John du... Scott n'a pas de demi-visière. Parce que c'est des batailleurs, c'est des gars qui veulent avoir la top. Ben oui, il y a des défenseurs qui n'ont pas de demi-visière. Il reste encore une poignée de ces joueurs-là. Mais la demi-visière commence parce à être de plus en tough. Plus populaire. Ouais. Ben c'est puis ça. Il garde, ça il garde cette, je juste enlève. Je juste, regarde, c'est correct. Pour de vrai, je suis d'accord avec ça. Là. Puis je veux pas que les gars me portent des full face. Je trouvais que ça a l'air cave. Pour de vrai, j'aimerais ben pas c'est parce ça, qu'il y a des full beau. Face en Ligue nationale. Oublie ça, il y a personne mais qui veut porter ça, man. Ils en ont porté au Novice, ils en ont porté au Biwi, ils en ont porté au Bantam. Parce que quand t'arrives dans la Ligue nationale, t'es junior, content de te libérer d'un full face, man. Ouais. Tu peux respirer what? De la gueule. T'as joué t'es tout le temps heureux. Au hockey avec un full face. Ouais, mais c'est-tu un hockey calice, man? Vas-y, passe-la ta clip, asti. Quel clip, là? It's not... Asti, man, ça? This is not fucking baseball! Et voilà, man. Tu vois, c'est pour ça, la man, seule affaire que je dis que c'est au gros max, man, si tu portes une demi-visière, c'est pas du fucking baseball, man, esti. C'est du hockey. Des shots à gueule, tu vas en manger, c'est hockey, man. C'est du hockey. Fait que le hockey, ça, se porte, ça joue pas full face. Non. Hockey, ben, là, c'est là, man, justement, de fait qu'un enfant de 5 ans ou un gars de 12 ans, il devrait pas jouer avec un full face. Pas mais un enfant de 12 ans, joue pas dans NHL, sacrément, man. Là, tu sais, mais il là, commence quand les tu vas être rendu à NHL, ah, oh, ben là, tu peux enlever ta visière, mon gars. Ouais, c'est mais correct. Alex. Là, Alex, tu peux te faire mal. C'est correct. Ah, une commotion. Mais Alex, ah, oh, parce qu'avec un full face, tu feras pas de commotion. C'est pas ça, mais je dis que. À cause de ça, ça va pas être un tu vas manger une poque, ça aille. Ouais, mais le hockey mineur. Il n'y a pas de danger, c'est acceptable. Hey, Alex, le hockey mineur, là, tu commences à 12 ans à commencer à faire du contact. Là. Ils commencent à te préparer à ça. Ils sont en full face. Il y a tout le temps un build. Ouais, ils sont en full face, mais il y a un build-up des choses. Là. Ok, c'est mais c'est sûr parce qu'ils build-up vers ce que c'est présentement la ligue. Ouais, parce qu'ils build-up vers c'est quoi le hockey calice. Ça fait mal du hockey, là, ça fait pas du bien, man. Podcast! C'est une fois que tu l'es, calice, tu manges un slap shot, c'est une cheville, man. Va-tu falloir? Ouais, non, mais ça n'a pas rapport avec les bagarres, ça. Quand on s'en sait, mais c'est quoi, là? Vous commencez à se protéger comme des lapettes? Ben non, voyons! Je suis sûr que dans les années 70-80, quand ils ont décidé de mettre des casques à tout le monde, il y avait des gars qui avaient la même conversation qui disaient du hockey, ça se joue pas de casse. Je suis sûr et certain. Quand ils ont commencé à mettre des casques, ils avaient un peu, là. C'est comme si tu comparais un full face, c'est comme si tu comparais un joueur normal. Ça existait pas dans ce temps-là. Attends, je te dis juste la même conversation. Si tu comparais un joueur normal là à l'attaque là ou aux défenses là avec un gardien de but, man, qui reçoit des pucks à longueur de. Gardien de but, il portait pas de masque à un moment donné, man. C'était un esti de fou. C'était des esti de malade. Hey, Jacques Plante, c'est fait critiquer en esti depuis longtemps. Mais Jacques Plante, c'était un goal, là. Ouais, puis quand il un masque là et man pour de vrai les ben oui le ben ça a duré combien de temps ça c'est pourquoi parce que il y a tout le monde les full face, non mais c'est ça c'est parce que joueur. Le monde vont toujours critiquer le changement peu importe ce que tu fais là bon, Alex, mauvais ils vont hey, Alex, c'est juste c'est ça une affaire là un hey, Alex qui joue à l'attaque à la place d'un gardien de but c'est pas pareil hey Alex ton full face là c'est dans 60 ans que ça va arriver ben, ça là, va okay? peut-être arriver ça va être dans 60 ans pour tout moi je suis pas prêt à le voir man c'est du hockey ben, c'est ça. Ben deux points là pendant qu'on est sur ce cas là puis on va parler juste des commotions il y a Patrice Brisebois que lui il ben, considère Brisebois. Que les lui considère que les commotions ça fait partie du sport puis genre ta gueule c'est... ça me fait rire par ça exemple pour un gars qui va pas dans les coins d'un gars qui broye à TVA Sport man, il va pas dans les coins lui il a pas danger d'avoir les commotions Lindros allait pas dans les coins pis il a fait je sais pas combien de commotions man. Lui tu sais t'as ouais, des gars qui sont fait plus fragiles t'as des gars qui sont plus fragiles que d'autres ouais mais non justement là parlant de non mais Chris Lindros s'est fait varloper ouais mais il en a varlopé une coupe et tout il rentrait au centre là Lindros a varlopé s'est fait ramasser le plus ah mais Lindros a varlopé Scott Stevens il en a varlopé une coupe c'est pour ça que je vais donner un exemple que ça n'a pas rapport. Là. Le style de jeu pour que tu ça joues que fait pas Lindros, rapport s'il avec plaît, le style hein? de commotion que tu vas faire, man. Ben, Pat Lafontaine, peut-être. Quoi? Ouais, Michel Goulet. Pat Lafontaine, man, est-ce qu'il y a eu quoi? 6 commotions? Gino Ojic, on peut en parler. Gino Ojic, cette semaine, qui a été admis en hôpital en psychiatrie pour des symptômes de post-commotion. Ben là, ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines, ouais, déjà depuis que j'ai noté la nouvelle. Il est pas sorti? Je sais pas s'il est sorti. Ouais, il est sorti. Ouais, il est sorti. Il est quand même... quoi? Je sais que je pense que c'est comme le Canadien de Montréal qui l'a pris sous son okay. sous son aile avec les médecins genre du Canadien et tout ça qui s'en sont occupés. Je pense qu'il voit comme à sa santé puis à essayer de le scanner toute la kit voir s'il peut faire de quoi. Non, mais tu sais, le passé dans le taco, tout ça. C'est comme veut pas une poursuite. C'est un point ça de parler parce que présentement on se soucie du spectacle, mais on se soucie jamais de l'après-carrière de ces gars-là qui vont faire des commotions tout le temps puis. Les coups à tête, justement, là, c'est. Je pense qu'on est rendu au point qu'il faut que ça arrête ou qu'ils fassent de quoi, là. Je suis prêt à dire que ces gars-là, ils ont pas eu une vie facile. Il y a personne qui a une vie facile dans ce game-là, pour vrai. Je sais qu'il y a, mettons, des vraiment gars comme pas, Bob Probert, là, qui est mort à 45 ans d'une crise de cœur. Mais ces gars-là sont ces senti-douleurs souvent après une carrière, sont genre sur l'oxycondrin, un essai d'affaire à dériver de l'héroïne. C'est addictif, ça aussi. Là, c'est de l'oxycontin, mais. Ah, whatever, là. Tu deviens dépressif quand t'es là-dessus, puis c'est ça. C'est comme l'héroïne. Mais pour de vrai, pour ces gars-là, genre, pour de vrai, moi, je pense que ça va faire comme la NFL, que les gars, ils ont poursuivi ça, que ça a commencé. Là. Des anciens joueurs de la NFL ont poursuivi la NFL, puis ils ont gagné. Ils ont eu comme 700 quelques millions. Là, les joueurs de la NHL vont faire la même affaire. Puis ils vont avoir de l'argent. Ils sont sûrs de gagner parce que la NHL, là, premièrement, ils prouveront pas comme quoi qu'ils savaient à l'avance. Puis que. Veux pas, c'est comme la NFL, ils avaient toutes les données, mais ils ont jamais dévoilé. Ils ont plaidé coupable. Ça va faire la même affaire pour la NHL. Ils savent, là. La NHL, ils savent qu'ils vont payer. Prendre un exemple un peu sur la puis, NFL. Ouais, là, puis ils vont payer. Si la NFL a payé. Tout le monde sait que tout le monde, c'est une des ligues les plus peu qu'il n'y a pas. C'est donc, sûr que la NHL va payer. Il y a des commotions au football. Chris. Non, hein, Chris, est-ce qu'ils ont des full face ou des demi-face? Ils ont... Non, les commotions ouais, au football, c'est du tête grave, à tête, là, full pin. Ouais, c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Là, s'il y a deux gars qui patinent d'un bout à l'autre de la glace puis ils se pognent tête à tête dans le milieu de la glace, ça va être le même sport. Ouais, mais la NFL, ça, ça ils ont... si pas, ouais. Mais la NFL, ils ont pris les mesures, genre oui, les head to les head to head. Hein. En glissant, ça prends deux prisonniers là, puis lance-les. Ouais, mais la NFL, calme, ils ont fait le devoir, par exemple, avec les head to head de même. Là. Oh! La troisième est finie, puis on est juste été sur le cas des bagarres. De quoi, par rapport conclure le débat. Clore le débat. Clore la piscine, clore le débat. Jeff, clue donc le débat. Mais pour vrai, là, je veux juste dire que pour les bagarreurs, je trouve ça vraiment comme. Je trouve ça triste, par exemple, pour que ceux-là, ce sont vraiment comme. qui ont manqué leur vie avec ça, triste, qui se sont suicidés. Non, je trouve ça plate parce que ouais, ça, c'est des gars, c'est des gars qui avaient, qui ont essayé. Pense, qui avaient gars, leur... Je pense qu'on aurait pas une minute de silence. Ouais. Non, mais je pense que c'est des gars qui avaient vraiment comme leur, leur équipe à cœur. Ça ferait pas très un bon show, une minute de silence, pour le monde qui a eu des commotions. Là. Un silence podcast, faut capoter, là, c'est pas payant. Fait que là, on n'aura vraiment pas le choix d'aller en overtime parce qu'on n'a même pas entré dans la zone. Finalement, on a zéro parlé d'Ojik, là, pareil. Là. Ben, on, de dire que... on a dit que le Canadien l'a pris sous son aile, fait que c'est déjà en masse pour nous, on peut plus rien faire. Tu veux vraiment discuter d'Ojik? Tu veux parler d'Ojik, Mark? Bon, il a été un sauveur pour les Canucks, pour vrai. La minute de silence va être procurée par Mark en parlant d'Ojik. Ah non, un peu, la minute de silence, ça va être de parler de toutes les goons qui ont rendu service à leurs équipes. Ok, go. Ben, merci Bob Probert. Tu pas capable, pas capable. Merci pas capable. Robbery. On va faire merci une mini entracte entre les deux. Là, parce qu'il faut que j'aille pisser. Fait que on, va faire, on fait une petite entracte et on vous revient pour... Moi, pendant ce temps-là, je vais faire l'apologie des fighters. Merci Fidomi. On est de retour pour la prolongation. Puis, ben, on va faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Yes! On a un jingle produit pour la section Around the NHL. Christmas version. De Noël. Version ouais. Noël. Hey, bah. Hey, joyeux Noël. Ben ouais, ben. Ben faut que tu partes la game. On Ok, on va revenir sur quelque chose qu'on avait parlé. C'est Dominique Bourret de Retour Nouveau qui voulait qu'on parle des annonces de couches de PJ Stock. Puis Mart, la dernière fois, t'as dit que t'allais checker ça puis revenir avec une opinion là-dessus. Quelle est ton opinion sur les annonces de couches de PJ Stock? Extrêmement déçu de PJ Stock. Pour de vrai, c'est magique. Non, mais moi, dit, j'adore. Moi, j'aime ça parce qu'il dit, regarde Isabelle Brasseur et il dit « Ça paraît même pas. » Ça paraît même pas. OK, sérieusement, on aurait-tu peut-être trouvé un ancien Canadien, là? Peut-être ça aurait comme été plus associé à une annonce de Il y a besoin d'argent. Puis genre, ouais, non, mais... tournoyer, Roadrunner, je sais pas. Mais là, qui quelqu'un... veut s'associer avec Deep End? Non, mais façon, va chercher quelqu'un qui pisse dans ses culottes. Grand Billy Bo! Pourquoi il fait du patin artistique? As-tu fait le show de patin artistique, lui? Ouais. Je sais pas, man. Ouais, il a fait ça. C'était comme Guy Lafleur qui fait des annonces de Viagra avant le temps. Là. Guy Lafleur avec son rivetis booster. OK, mais par exemple, par rapport aux annonces des anciens joueurs de la Ligue nationale, l'annonce de Dave Morissette là, pour le genre de truc de l'auto, est-tu bonne celle-là? Celle-là est vraiment bonne. Ouais, ouais. Ça, c'est hey, correct. 4 buts, c'est plus que dans ta carrière, mon Dave! Sa face, c'est parfait. C'est vrai qu'on en fait tout. Hein. Ouais, mais Dave, là, il aurait l'air d'un gars qui voudrait jamais te cogner quand même. Il a l'air comme trop de nounours et gentil. Ouais. Mais dans le temps, il était comme, je pense, c'est le seul, pété, c'est le seul qui a battu Probert. Ouais, Probert lui a dit qu'il avait mal. Il a pété Probert dans l'arcade sourcilière, il l'a touché, puis c'est comme ça a fendu. Bravo à... Fait être fier, là, tu bravo au Moose, là. Sérieusement, c'est comme mais un je compte tes batailles puis le full face. On verra pas là-dessus. moi, je veux le full face. Il y a eu une grosse entente qui a été signée entre Rogers et la Ligue nationale pour 12 ans de diffusion. 5,2 milliards. Ça a été démenti, ça. De quoi? C'est pour ça que mes actions ont monté. J'ai pas vu ça passer. Fait que là, présentement, ça va envoyer des matchs du Canadien à TVA Sport. On sait qu'il y a 20 games du Canadien qui ont été envoyés par TVA Sport, incluant les séries pour l'instant. Toutes les matchs de séries, toutes équipes confondues, Canadien inclus. Puis je pense qu'ils ont pris, genre, tous les samedis soirs, là, aussi, pour TVA Sport. Ouais, mais il y a deux samedis soirs. Les samedis soirs puis les matchs contre les équipes canadiennes. Ben, les samedis soirs devraient être présentés à TVA, la télé la, comme. TVA, ça, ils l'ont pas dit encore. Ils l'ont pas dit encore. C'est ça. Mais d'après moi, ils en ont parlé. S'ils veulent aller chercher le plus d'auditoires, il faut qu'ils le mettent à TVA normal qui n'est pas payant. Puis je pense qu'ils veulent aller chercher les. Ça va être comme Radio-Canada. C'est une bonne affaire de TVA Sport parce qu'ils vont rendre comme les matchs, dans le fond, du Québec pour tout le monde. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver dans les commentateurs? Ça va être. Qu'est-ce qui va arriver d'RDS aussi avec ça? Non, sérieusement, je pense que TVA Sports, s'ils s'en vont dans cette ligne-là, ils vont aller chercher du monde plus compétent qui vont péter. Hey, j'espère qu'ils vont le faire. À 98.5, il paraît que je l'ai pas entendu de vive voix. Je l'écoutais pas, mais mes chums à job, il a dit qu'il l'écoutait. Puis il a dit: hey, t'as-tu entendu hier à 98.5? Il paraît que Danny Dubé faisait des jokes genre Martin McGuire, comme quoi, tu sais, quand on est une bonne équipe, une équipe, ça devrait suivre. Ouais, mais ils peuvent. Apparemment, ils peuvent pas. Ouais, mais. Ben non, ils viennent en parler, ils ont dit qu'ils ont signé un contrat, puis ils ont une entente. Il dit à tout le monde en parle qu'il y avait un contrat avec Radio-Canada. Anyway. Radio-Canada, c'est ouais, pour les Olympiques. Pour les Olympiques. Non, Olympiques. Non, non, pour les games canadiens, radio, il est signé. Là. Il est 4 ans avec Radio-Canada, une affaire de même. Ben non, avec Cogeco. Il était avec Cogeco pour les games à la radio. Il était avec Cogeco aussi. Il vient de signer 5 ans avec Cogeco. Il y a un contrat de télé avec Radio-Canada. Il n'y a rien qui se passe pour les Olympiques. C'est pour les Olympiques, ça. Oui, c'est pour les Olympiques. 4 ans pour les Olympiques, ça veut dire. On parle de crédibilité à TVA Sport. On a appris cette semaine que José Théodore va se joindre à l'équipe de TVA Sport en janvier. TVA Sport commence à essayer de se baser sur un genre de panneau. Y a-tu quelqu'un qui a TVA Sport aussi? Non. Non. Moi, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà pris. À débrouillage? Non, je l'avais pris par curiosité. Moi aussi. Je l'avais switché genre pour un poste, genre le poste qui font des gâteaux, là, ce type d'affaires de même. Que ma blonde mais là, on n'aura pas le choix. Là. Genre. Il va falloir prendre TVA Sport. Effectivement, l'année prochaine, j'ai pas le choix de prendre TVA Sport. J'aurais pas le choix, mais en même temps, c'est l'équipe de description qui m'inquiète. Moi. Ben moi aussi, j'ai hâte de voir. Parce que pour de vrai, c'est là tout ce qui fait l'annonce. Pour de vrai, Pierre-Aude, il commence à en perdre un peu. Là. On se contre pas. Pour de vrai, Marc Denis, t'es cœurant, mais Pierre-Aude, des fois, il se trompe vraiment. De façon flagrante. Ça fait longtemps. De façon flagrante. Non, mais. Ben Marc Denis. Il s'en vient vieux. Tu sais, je veux dire, je l'aime, là. Ouais, je ne changerai pas, mais. C'est Marc Denis qui va faire la description. Qui va le remplacer, ce gars-là? Ben, écoutez-vous les matchs en dehors de la en dehors du Canadien? C'est pourri. Pierre-Aude a comme un statut d'être le seul commentateur francophone de la Ligue nationale. Ah, mais tu peux en écouter d'autres. Quand que les. Non, c'est ça. Hier, il y avait un match New Jersey-Pittsburgh, là, à RDS. T'écoutes ça RDS, là? Et tabarnak! On dirait c'est deux gars de Pee-Wee, mon gars. C'est deux gars qui décrivent un match de Pee-Wee. Et là, Fredson fait. Ben, on va dire, c'est à Détroit, là. Alfredson fait la passe à Datsuk. Le but! Datsuk, il est pas blessé? Non, mais je dis ça. Oh, tu, là. Comment? Il faut tout le temps qu'il accroche les détails. Fait qu'on va voir ce que ça va donner pour TVA Sport. Ouais, c'est ça faut attendre les détails. Ben, sérieusement, ben là, sérieusement, moi, je pense que j'ai quasiment moins entendre du monde qui décrive une game sobrement qu'un gars qui commence après, à souhaiter bonne fête à tout le monde. Pierre-Aude fait pas ça, mais il y a de l'émotion. Deux affaires, là, par exemple, pour ça, c'est que c'est bon la compétition entre les réseaux, ça va les forcer à se monter leur game. Puis TVA ont du budget. Fait que probablement qu'on va avoir des bons montages à TVA puis de la bonne production, j'ai l'impression. Sûr, puis des annonces d'occupation double. Ah, ça aussi, ça. Attendez-vous à avoir occupation double dans vos périodes. Hey, c'est sûr qu'il y a un chanteur de Star Academy qui va chanter l'hymne national. Là. Puis il va avoir des joueurs des Canadiens au banquier. Québécois. C'est sûr, man. Québécois sont entendus avec Rogers 5,2 milliards. Fait que c'est sûr qu'on va être backé. Ce qui surélèvera la masse dans la Ligue nationale. Wow. La masse salariale? Oui. Pas beaucoup. C'est 70 millions qui s'en viennent. Dude, man, il annonce 100 millions. Et après ça, il annonce 100 millions dans 5 ans. Non, 80 à peu près. Dans 5 ans. 100 millions. C'est ça qu'ils disent, ça a piqué. Ah, piqué. Peut-être qu'elle serait signée pour 4 ans. Ouais, mais c'est correct qu'il a augmente la masse. À 8 millions, 4 ans à 8 millions. C'est sûr. Mais là, ça, ils disent, ah, là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, mais c'est correct qu'il a raise la masse, là. Prochain sujet, la tendresse qui a été retranchée des Lions de Zurich. Parce qu'il n'a pas été retranché. Il a été retranché parce qu'il a subi une autre commotion. Il n'a pas été retranché, il l'a expliqué à l'antichambre. Il est allé voir le gars, il avait une commotion cérébrale. Il est allé voir. En tout cas, mais présentement, il réfléchit à son avenir. Ouais. Est-ce que ce serait un autre qui s'en irait à TVA Sport, ça? Je pense pas. Je pense qu'il veut qu'on se joue, OK. Mais il n'a pas été retranché. Je pense pas qu'il va jouer au hockey. Il est où, man? À East Coast League, Calis, man. Il n'y a plus de place. Je pense pas qu'il va jouer au hockey. Si Redden a joué dans la Ligue américaine, sacrement, il va peut-être aller faire. Il peut pas aller dans les mineurs, Esti. This is not fucking baseball! Bon. Non, mais non, c'est ça, il joue Calis comme s'il jouait à ringuette. Je pense pas qu'il va jouer, tabarnak! Hey, la tendresse, le hockey, c'est pas de la ringuette, hostie. Non, mais il a pas été retranché. Hey, l'hockey, c'est pour les hommes! Il n'a pas été retranché. Il est allé voir le directeur général des Lions du Ric. Ah, il est comme Benoît Brière, lui, Calis. On ne sait pas ce qui s'en va. Pas de suite, ici. It's not fucking. Non, mais il avait le droit de renouvellement jusqu'au 31 décembre. Puis il est allé voir et il a dit au gars non, je veux pas retourner, je veux m'en aller chez nous. Ben, un autre qui est probablement chez eux présentement. Le cavalier qui s'est blessé au bas du dos, absent pour un mois. Ben, il s'en vient vieux, il y a des espaces, puis il a mal au cul. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que tu mettes des petits joueurs en avant de lui, comme ça, il faut qu'il se penche plus à mise au jeu. Lui, il développe des espaces dans le dos, puis après ça, genre, il joue pas. C'est ça la stratégie du Canadien. Le Canadien est bâti contre les Canadiens. C'est ça la stratégie. C'est une stratégie à long terme du Canadien. Mettre des petits centres comme ça, les grands centres sont obligés de se passer pour avoir des espaces. Des petits centres, on n'en manque pas. Là, on va parler d'un beau match mémorable entre les Bruins et les Pingouins, ce qui s'est passé, des belles affaires. Premièrement, parlons du coup de genou. Des belles affaires. Le coup de genou de Neil d'en face à Marchand. Neil a obtenu 5 matchs de suspension pour ça. Sérieux, Neil, là... Il est juste trop cave, là. Ah, ben. Okay, non, attends un peu. J'étais content un peu, mais c'est marchand, mais. Non, attends un peu. Écoute, Neil est juste trop cave parce que il fait comme s'il regardait ailleurs. Puis il l'a tellement vu. Hey, voyons donc, mais tu vois, il est dans ta ligne de travail. Non, mais tu vois qu'il l'a vu, puis après ça, il fait il regarde ailleurs. Il regarde comme si rien n'était. Aïe, aïe, trop con, man. Vraiment cheap, man. Ouais, puis il y a eu un autre incident aussi dans ce match-là. Ouais. Sean Thornton, Bruce Orpik. Il y a eu de l'escalade dans ce match-là. C'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est que t'as eu. C'est la faute des arbitres. Orpik. Orpik a Rickson. A ramassé un joueur. Rickson. Orpik a ramassé Rickson. Puis après ça. Mais c'était un hit légal. Mais ça s'est passé en première période, à genre au début de la première période, puis 10 minutes plus tard, à peu près. Là, il y a eu l'événement Neil Marchand. Puis sur cet événement-là, là, ce qui s'est passé, c'est que Thornton est allé voir Orpik, puis il a fait une jambette, puis il a donné comme 3 punches dans la face. Mais ça, Orpik avait pas voulu se défendre sur le coup. Ça, c'est ce qu'on commence à voir beaucoup dans la Ligue nationale. C'est genre, je fais un cheap shot. C'est pas un cheap shot, c'est un legal hit. Ok, attends un peu. Ok, attends un peu. Non, excuse. Il a bien fait de pas se battre contre Thornton la première fois. Alex, c'est cool. Je veux pas dire un cheap shot, ok? Je veux dire, il a fait son hit. Mais son hit, il l'a pas assumé jusqu'au bout. Puis souvent, ce que traditionnellement, t'es pas sérieusement, de non, quand t'es tu commotionnes un damn gars, right, je suis d'accord avec Dave. De dropper, non, man. Moi, c'est. Il a pas droppé, puis ça a donné une pénalité à Boston. N'importe qui dans la Ligue nationale qui va faire un bon hit devrait dropper. Hey, il a pas droppé, puis il a donné une pénalité à Boston. C'est parce que c'était comme un coup qui a comme donné. C'est arrivé un comme coup un coup. Chier, mais légal. Ok, ouais. Mais en tout cas, sur. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop. T'as un peu. Ouais, tu sais ce que je veux dire là-dessus, c'est que aujourd'hui, on voit beaucoup trop genre des coups à tête qui arrivent. Puis après ça, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont comme protéger en arrière du ref. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu défends pas tout de suite d'un coup que t'as fait quoi que ce soit la, admettons là, la gravité du coup. Si tu te défends pas tout de suite, puis tu t'assumes pas ce que t'as fait, puis tu t'assumes pas tes responsabilités, ce que tu fais, c'est que tu mets une cible sur tous les joueurs de ton équipe. Moi, c'est ce que je pense. Oui, probablement. Puis tu mets une cible sur tous les joueurs de ton équipe, c'est ça qui arrive. Pour ça, il faudrait avoir un full face. mais par exemple, l'incident Thornton or. Dave, as-tu fini? L'incident Thornton or Pick, c'était quand même borderline disgracieux. Ben, sérieusement, c'est un gars à terre, Thornton. Après le sifflet, puis il shotait des coups à la gueule. Je comprends pourquoi il a perdu à 4. Avec mais une jambette en plus. Non, mais, mais là, aujourd'hui. Dans l'entrevue d'après-match qu'il a donné. Il s'est excusé puis il a dit, tu sais, je m'excuse. Puis tu voyais ce jeu, il était mal à l'aise. Puis je crois son excuse. Je m'en crie, je pense que c'est sentimental, mais tu sais, c'est quelqu'un qui parle la tête. Je m'en calais, non, mais il a perdu la tête, il l'a fait. Mais c'est juste ça, tu t'as perdu la tête, t'es peut-être pas. Mais j'étais épais. Par rapport à. Savez-vous ce que j'ai pensé de ce shot-là, moi? J'ai pensé qu'est-ce qu'on reprochait à Larac de pas faire, de défendre ses joueurs. Thornton a fait. Est-ce que Thornton a fait qu'est-ce qu'on reprochait à Larac de pas faire, de s'en prendre à des joueurs qui agressaient les joueurs des Canadiens, sans envoyer de fax? Est-ce que Thornton a fait ça? C'est ça qu'on demandait à Larac de faire. Mais en même temps, je me suis posé cette question. Pas le gars à terre. Moment historique, je suis d'accord avec Brett. Non, mais attends un peu là. C'est pas juste une question de ramasser le gars quand il veut pas ou. Je veux dire, Chris, voyons, tu peux pas arriver. Ouais, mais là, il est à terre. Il est à terre. Faire une jambe. Il le met à terre puis il l'a frappé. Il a pas crissé. Il l'a crissé à terre. Tu le vois très bien, un replay. Ouais. Il crisse un pied, une jambe en arrière des jambes. Puis il calisse à terre puis bang, bang. C'est pas juste lancer un fax puis prévenir l'autre joueur. Mais si la RAC aurait fait ça à Lucci, on aurait tous été d'accord. Pour moi, je compare ça à genre Todd Bertuzzi contre l'autre dude de Steven qui l'a ramassé. Non, parce qu'il s'en attendait pas. Todd Bertuzzi l'a pogné le dos, oui, pas si pire. Mais dans le sens qu'il l'a ramassé. L'autre, c'est pas protégé, il s'en attendait pas. Mais Chris Warpick s'en attendait pas non plus. Pour ce coup-là. Alex, je m'en calisse, il s'en attendait pas. Pour ce coup-là, par exemple, le verdict est tombé aujourd'hui. 15 matchs. Il n'y a pas d'avion qui va atterrir. Dave! Femme d'ailleurs, c'est 15 matchs de suspension pour Sean Thornton aujourd'hui. Ce qui me surprend beaucoup de la Ligue, d'avoir donné jusqu'à 15 matchs pour Thornton. Je m'attendais encore à une suspension bonbon. Thornton, c'est beaucoup 15 c'est matchs. C'est quand même pas mal. Moi, j'aurais donné... Mais c'est quoi? C'est parce que c'est Thornton. Parce que c'est Thornton, c'est un joueur de quatrième trio. Ben oui, il y a eu... Parce que c'est Thornton ou pour le Caleta? Caleta, il y a eu... Ben, il y a pas eu une vingtaine de matchs, un moment donné. C'est ça, lui, c'est GSA. Non, non, non, Rafi Torres. Rafi Torres, c'est lui qui a eu comme 20 matchs. Je ne sais pas trop, regarde ça. Ah, lui, c'était chien aussi. Bon, il y a eu un autre coup salaud. Mais c'est pas moins chien, Thornton, ce qu'il a fait. Non, je suis à fait d'accord. C'est complètement dirt, voyons donc. Juste que si la REC avait fait ça à Lucic, pendant qu'on l'haïssait tout, on aurait tout aimé qu'il l'ait fait. Il aurait pas fait, le 15 mais matchs. C'est ça qu'on demandait, parce qu'on disait comme, si on ben oui, envoie on des fax, puis il gosse, puis il niaise. On voulait mais juste là, qu'il le frappe. Monde aurait fait. C'est ça qu'il voulait qu'il fasse, le monde. Et même s'il aurait attends soccer pas, attends pas que lui dise, non, comme c'est oui pas pour pareil. Un fight, c'est comme c'est boom, pas soccer pareil, punch, man, tu le finis. C'est pas pareil, pourquoi? Parce que Chris, il l'a pogné quand le gars s'en attendait pas. C'est juste ça que je dis. Sérieusement, Harpick était beaucoup plus en mesure de se protéger que il la était... shot que Bertuzzi l'a pogné de dos, man. Une shot direct sur la tête. Harpick était de dos. Check le replay, man. Harpick était de dos, puis l'autre l'a ramassé par en arrière, puis l'a crissé à terre. Ouais, mais là, c'est la même aussi l'affaire. On va laisser parler de GM. Il y a eu plusieurs autres coups salauds dans les trois semaines qu'on a passé. Dont, Dave, tu m'as dit quelque chose. Dion Phaneuf sur Kevin Miller. Il y a eu un autre coup de match. Ouais, deux matchs de suspension ouais, dans son cas. Il a été suspendu deux matchs. Ben, good for him. Lui, c'est un dirty header. Ben, c'est comme Dion la gueule dans la gueule dans mais là, c'est pas la première fois. C'est un petit chicken shit en plus. C'est la première fois. Phaneuf a déjà été suspendu, je pense, une fois. C'est pas un récidiviste. Non, je pense que c'est une des premières fois qu'il est suspendu. Il a déjà été suspendu une fois. Non, il a fait des dirty hits, mais il était pas suspendu. Phaneuf, c'est un joueur cochon, là. Ah ouais, un peu comme un genre de Chris Pronger, man. Il fait mal, là, si tu veux pas aller dans sa zone. Là. Je l'ai, man. Tout le monde l'a. Mark Streich a signé un gros contrat avec... j'ai pas la Philly. Ligue. Ben, Dredd Philly. 4 ans pour une moyenne de 5.25 millions. Il y a la pire hostie de saison de sa carrière en ce moment, 36 Mark Streich. 11 points en 31 matchs. Il est moins 8 présentement. Strike, ouais, mais il joue avec Strike Philly. Et wow. Complètement. Philly, ouais. Là, j'y comprends Philly pas, pourris, man. Non, mais Philly laisse plein de goals. Non, mais Philly laisse plein de goals. Pour le reste, c'est tout le problème des nets de cette équipe-là. Ouais, ils ont Timonen. Ils ont juste Timonen, puis là, ils ont Mark Timonen, il joue pas présentement. Mais je sais, mais c'est le meilleur défenseur. Ah, ok, tu parles à la défense. Ouais, mais. C'est comme pour ouais, mais d'un but, là, ils ont Emery puis Mason. Mason, t'as bon, là, le coupe d'année, puis ça n'a pas débloqué. Ouais. Je comprends ça, pas. C'est en arrière le problème. Mais on a si bonne attaque, Philly. Ouais, mais sérieux, c'est qu'ils sont là, pas capables d'arriver. Ils ont une attaque, mais l'attaque n'est pas très réveillée. Ouais, mais ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe à l'attaque. Giroud, je pense que Giroud a 6 buts, man. Je suis d'accord. C'est pas le Giroud de Vladimir. Ils ont une bonne attaque. C'est vraiment pas le Giroud. C'est pas le Giroud que je verrai aux Olympiques. Mais tu mets cette attaque-là, comparé les Canadiens, ils ont une bonne attaque, là. Ben... juste pas une bonne défense, mais pas un gros lourd. Non, Philadelphie, ouais. Sérieusement, là, moi je pense que la gangrène n'est pas née dans cette équipe-là. Exact. Ça remonte à bien plus loin. Ça monte haut, là. Parce que ça pourrait être une crise de bonne équipe. Ça remonte les gros lourds. Ça remonte loin, là. Le président, c'est cette équipe-là qui veut tout le temps garder mais... les. Quand, même, là, ouais, mais Philadelphie, remonte le 4-5 ans. Philadelphie, c'est une équipe dangereuse. Oui, il était fort. Puis Chris, ils ont quand même choqué, man. Cette semaine, ça a bougé chez les Flames. Parce que j'ai Gary parle aussi. Quand tu parles pas. J'essaie de parler. Les Flames ont congédié leur directeur général Jay Feaster ainsi que l'adjoint John Weisbrod. Est-ce la fin pour notre ami? Les Flames, qui ont juste 26 points cette saison, sont 13e sur 14 équipes dans l'Ouest. Puis là, c'est Brian Burke qui va prendre le rôle. Est-ce la fin pour Bob Hartley? Ben justement, ça va m'amener sur un autre sujet par rapport à Bob Hartley. Il y a Scott Parker qui a parlé la semaine passée dans le Denver Post par rapport à Bob Hartley, puis il l'a assez ramassé solidement. Ouais, mais ça, c'est un des gars qui poursuit la NHL pour commotion cérébrale, right? Ouais, c'est un des gars qui prend des symptômes post-commotion. Je ne serais pas surpris. Ce que Scott Parker a dit par rapport à Bartley. Bartley. Il a dit que genre, ça a l'air qu'il faisait du bullying, puis il disait genre à Parker comme... ouais, toi si tu joues pas à soir pis tu te bats pas, tu vas aller ressentir le chocolat à Hershey parce que la Ligue américaine c'est Hershey. Pour tu vas aller attends, sentir, coach, il a le droit de dire ça. Tu vas aller sentir le chocolat à Hershey pis traîner ta poche. So what? Il a le droit de dire ça, man. C'est, moi, le gars, non mais Parker t'es là pourquoi? Dans cette équipe-là? Pour jouer sur un premier trio? Ben, il était là pour se battre. Si je te mets dans l'alignement, T'es bien mieux de me montrer ben, que ça tu fais. Ouais, s'il y avait eu un full face, là. Ben, exactement, merci de prouver mon point. Ben, on s'entend que Parker t'a engagé pour quelque chose. Ben, c'est ça. C'est un one-trick pony, OK? C'est oui, pas un mais gars qui va c'est jouer une raison pour que le coach. Dans hey, c'est une raison pour dire si tu fais pas ta job assis sur une arrière. Non, mais attends un peu, Alex. Là, y a-tu des joueurs de même dans la ligue qui servent juste à ça? Absolument. Genre, mais est-ce que. Est-ce que. Non, mais attends un peu. Ah non, mais. Non, non, mais c'est pas ça. John Scott, c'est un bon défenseur all around. C'est même pas ça le point. Là. Non, mais il doit avoir genre zéro point à ses trois dernières saisons. Ouais. Non, mais le point, c'est surtout le coaching. C'est genre, est-ce que j'envoie un joueur pour y donner une mission de blesser tel gars? Tel, ben, c'est comme, comment tu l'utilises? Il n'y a pas de ça. Là, on dit de pas de frapper. Non, gars, mais de frapper. Mais je veux dire, le coach, ça, c'est des choses qui se voyaient beaucoup des années 70, 80, 90. 2000. Ok, je t'embarque, sa patinoire. Ok, d'abord, si son. Quand Bob Marley a gagné avec. Bob Marley. Quand Bob Marley. Bob Marley. Je le savais, parce que tantôt je l'ai dit que j'étais pour le dire. Fait que quand Bob Marley, il coachait comme ça. Non, mais c'est toxique, man. Fait que ce que vous dites, c'est que le gars, son rôle, c'est un bagarreur. Fait que c'est correct de lui faire du bullying pour lui dire. Il était là. Non, mais laissez-moi finir mon point, Chris. Vous dites, OK, tout est un bagarreur, va te battre, sinon, Chris, je te renvoie une mineur. Un sniper ou un gars qui se prête de marquer des buts, tu vas-tu aller dire, toi, tu marques un but à soi, sinon, tabarnak, tu retournes au mineur. C'est beau. Pas comment il est important ton team. Tu peux pas faire si ça, c'est un white, un joueur. Un white, ouais, si mais tu marches white, à menace. Mais tu peux pas marcher à menace, que, oui, ça marchera parce que, jamais. Oui, parce en que ce joueur-là, c'est son gang-pain droppé. Ouais, c'est un gars quatrième trio, c'est pas un joueur premier. Le chef est fâché. Il a réussi. Non, mais tu peux pas traiter un gars différemment parce que son rôle à lui, c'est de se battre Hey Jeff, ça c'est les coachs de la vieille école, man. C'est comme, gars, toi je t'envoie. Ben comme Bob Hartley. Je te donne en mission. Tu t'en, vas sur le face-off. Tu t'en vas sur le face-off, man. Puis tu drop, là. That's it. C'est tout programmé, là. Mais de dire, tu drops pas à soir, je t'envoie au mineur. C'est pas correct. Ben, c'est chien. C'est pas beau, là, c'est là. Hey, ça fait le tour de ce petit sujet-là, je pense. Ben, en tout cas, man, on est pas d'accord, man. Ben, on est pas d'accord. Tabarnak. C'est bien correct. On s'en garde pour 2014, asti. Un joueur premier trio a pas le même impact qu'un joueur quatrième trio. Écoutez-moi. Ça brosse, c'est 7. Une dernière affaire around the NHL. Je vous invite à aller voir le site bunksmullet.com. Le site Radek Bunks. Qui est dédié à Gryba. Ben, cette semaine, t'es dédié à Gryba. Puis ils ont pris Gryba qui voulait se battre. On ne sait plus trop qui, puis il était sur le bord de tomber. Là. Puis Gryba. Il y a eu un Photoshop contest de Gryba. Puis Gryba, qui nous chie ça à la tête, hostie. Depuis qu'il nous a blessé à l'heure. Puis à l'heure, ben c'est encore le même, hostie. Il est bon. Ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? C'est ce que j'avais à dire. Mais voilà. Puis Gryba, qui nous chie ça à la tête, Chris. En passant, les boys, il y a une game à soir contre les Islanders, puis c'est 0-0. Woup, woup. Bon. Woup, mais par exemple, notre game qui joue en background sur la télé à Ninja 94 entre le c'est Canadien la finale, et la Coupe Stanley. Les Kings. Et la Coupe Stanley 93. Start, on va avoir Carbonneau qui va. Ben, on va dire, là, le monde qui va nous écouter live, maintenant, vous allez avoir droit à du NHL 94 en background. En c'est simulation. Un petit plus en simulation. C'est l'affaire que vous voyez pas dans le fond, là, comme vraiment qui blast. Ça, c'est. Avant de terminer cette belle partie qui dégénère. Sans bon sens. On avait une question du public de JF Mallette sur Twitter qui veut savoir pourquoi est-ce que Stachny intéresserait le Canadien alors qu'on a un surplus de joueurs au centre. Devrait-on se concentrer sur Evander Kane? Non, Evander Kane, moi j'irai pas chercher ça. Ben non. Moi j'y vais pour Evander Kane. Parce que Stachny, man, je veux pas voir ça. Ben, Stachny, ça m'emmerde, Stachny, man. Je veux pas voir Stachny. Evander Kane, moi je le veux. Pour parce vrai, que Evander un peu Kane, avec Dave. Il est rough, man. Je veux pas aucun des deux. Pour le vrai, c'est pas deux joueurs qui m'intéresseraient. C'est pas mais deux joueurs qui m'intéressent. Evander Kane, je le prendrais, man. Mais ça dépend contre qui. Ok, check mais les stats, Evander, là, Kane, Evander Kane présentement n'a pas donné plus que Pacioretty. Evander Kane fait juste check se battre. On veut-tu être une équipe se battre? On veut une équipe pour gagner, Chris. Ah, bon point, bon point. Et bonne main, ce gars-là. Evander Kane, là. Bonne main, il a combien de buts, man? C'est un gars qui a autant de buts qu'à de passes. Il te fera pas gagner, man. Il y a deux buts, deux passes. Evander Kane te fera pas gagner. Mais il peut compter, ouais, il va avoir autant de. Aller chercher les stats. C'est un gars qui. C'est un gars qui fait des passes. Hey, t'es malade, c'est un tough, man. Hey, y a des mains de scoreurs. Toi, ça, là, c'est quoi? Là, hey, ça, t'as peur. Alex, Alex, Alex. Hey, John Scott, Evander Kane, Steve, man, George Paris, la même ligne. Arrête, Alex. Ça serait la première ligne. Ah, mais toi, t'es... Toi, tu tripes ces gens, ces gars peignés sur le côté, calice. Tu tripes sur un scoreur de but qu'un gars qui peut faire gagner mon équipe. Hey, Evander Kane, c'est un gars qui a autant de buts que de passes en général. 2-2, ça compte pas. Hey, c'est quoi? Evander Kane, là, c'est quoi? First, là... C'est le Guillaume Latendresse que t'as jamais eu dans ton équipe. C'est ça, okay. Evander Kane, man. Okay. Evander Combien Kane, il y a 7 buts, 7 passes. La saison passée... En 30 quelques matchs? Ouais, 26. OK, 4 buts, 4 passes. Il y a 8 points, man. Non, okay, 7 buts, 7 passes. OK, il y a 14 points. 14 points à 26. Il y a 48 matchs la saison passée. Il y a 33 points. 74 matchs l'autre saison d'avant, 57, puis 73, 43. C'est respectable, pas de stage, c'est quand même bien. Ah, oh, mais je veux ni un ni l'autre. Ah, oh, mais ben, on va comparer des pommes avec des pommes. Ben, tant qu'à ça, ouais, avant de finir, on va regarder. Moi, là. Stage, puis regarde-moi ouais, ça. On va comparer deux. Amène-moi pas à stage à Montréal, s'il vous plaît. Merci. T'as dit Evander Kane? Ouais, amène-moi pas Stachny ouais, à Montréal. C'est que si je l'équipe pas comme faux, ça va pas bien. Stachny, c'est S-T-A-S-N-Y. Ah, Dave s'en avec les stats, ça sera pas long. Là. Ouais. Ah, on va vous l'envoyer, on va vous l'envoyer. C'est pour le bien. Du... Hey, Google les man, il donne IMDB. IMDB. Le IMDB du hockey. Okay. Oh, il a joué. Okay, DB. Il a joué dans Goon, genre le troisième défenseur de la troisième équipe. C'est un genre de Bruce Boudreau dans Slapshot. Non! Comment ça, c'est ça? Ben, parce que les accords du livre? Non, parce que tu l'as dit. Parce que je sais la carrière de Bruce Boudreau. Ah, mais je savais, ça faisait longtemps. Stachny, les stats. Il a joué 28 games, donc un petit peu plus. Il a 8-9. Ah, et plus de points? 7 points, plus de points. Plus que 7-7. Il a joué 40 games la saison passée, 24. 79 la saison d'avant, 53. 74, 57. 81, 79. 45, 36. Ça mon point est fait, mon homme. C'est qui valent, selon moi. J'aime mieux Evander Kane. Pas moi. Tu me le demandes. Bon, ben, garde. Moi, j'ai dit Evander. Question. Tu veux te battre? Hey, j'en veux pas un. Question ouverte au public. Façon, trois options. Voulez-vous Stachny? Voulez-vous Evander Kane? Ou voulez-vous aucun des deux? Aucun des deux. Ou les deux, tu sais? Ben, aucun des deux, c'est aucun des deux. Non, aucun des deux, parce que tu feras pas gagner ton équipe avec ce que t'as présentement. Dave, dans le monde réel, là, tu trades quoi, man, pour avoir... Le monde réel qu'est-ce existe que tu pas. Peux avoir dans la Ligue nationale? Qu'est-ce que tu vas trader pour... qu'est-ce que tu peux avoir dans la Ligue nationale? Qu'est-ce que tu vas trader pour... OK, qui tu donnes pour Evander Kane? Ouais. Pour Evander Kane, asti, je suis prête. OK, vraiment? Ouais, Pacioretty, je serais prête à faire le guess parce que Pacioretty, c'est un clutch player, man. Never gonna happen. Ouais. Je suis prêt à ton prendre. Meilleur scoreur contre fucking Evander Kane. Pas vraiment à Pacioretty, moi. Là. Ouais, Pacioretty, c'est quoi? Il marche, Chris, dans les 10 dernières games. Non, c'est un clutch player, man. Ben il est par séquence. Mais il vaut pas Evander Kane. Il vaut j'aime pas mieux avoir Evander Kane, man. Hey, parce que tu peux pas avoir. Non, je te c'est dis. Le meilleur buteur de ben, l'avenir nous le dira si un trade va se produire. Attends un peu, là. Attends un peu, là. Check bien ça. Non, on s'en crise les stats. On va y aller avec les stats, là. Ok, on a, apparemment, Pacioretty 6 pieds 2, man. C'est un esti de gros bonhomme. Points. Là, présentement, il a 14 points, puis il a joué mal, puis il a joué 24 games. Pas plus que l'autre, il a autant de points que l'autre. L'autre saison d'avant? Mais, il a 11 buts comparativement à Evander Kane, il y en a 7. L'autre saison d'avant, 39, puis c'était une mauvaise saison à 44 games dans la demi-saison. Mais plus qu'Evander Kane. 79 games avec le Canadien, 65 points, 37, 24, 52, 14, mais là, on parle de première saison recrue. Okay. Check ben ça. Juste la game que je joue sur 74 matchs, j'ai fait 65. C'est supérieur à Kane, man. Puis il y a une moyenne de plus 8, okay. Puis 0, puis plus 2, man. Ok, check bien ça. Mais je veux juste te dire une affaire. Imagine. Non, mais j'ai pas de point. Ok, mais attends un petit peu. Je veux juste dire de quoi. Imagine. Là, d'abord. Viens me dire. Viens pas s'étendre sur Evander Kane. Viens me dire que tu voudrais pas voir le Canadien de Montréal avec Evander Kane, man, dans ouais, le jersey, ouais. Ça serait contre fresh contre Moen. Contre Moen? N'importe quel. Non. Hey, non. Alex, Moen, t'es Moen, pas, man. Tu vis dans le rêve, man. Ouais, tu vis dans le rêve. Ça, Alex, non, mais qui t'es pas, man. Non, mais t'es pas crédible. Qui vous êtes prêt à trader pour Evander Kane? Je te dis pas que je suis prêt à trader. Alex, t'es pas crédible. Oui, j'aimerais ça le voir, mais pas n'importe quel prix. Mais ça, c'est épais. Un jeune, d'abord. Evander Kane dans brillant. Evander Kane dans le saut de Montréal, ça fait mal, man. Je te jure. On prend un autre tourneur, je te le jure. On n'a pas personne. Je te le jure. C'est pas un game changer, Evander Kane. Oui, autant que Pacioretty à Montréal, il fait. Hey, je pense que on va terminer l'année comme on l'a commencé sur divergence d'opinion comme ça. En mode de merde! Manger en tout de la merde! Tout le monde est d'accord, mais on le traiterait pas comme n'importe qui. Non. Bon, ben sur ce. C'est les gars, ça fait le tour de la Ligue nationale et ça fait le tour de l'épisode 6 de la soirée du podcast. Wow! Hey, ça fait le tour de 2013, mais hey, ben oui, ben c'est notre première année complète bonne, de podcasting. Joyeux Noël! Hey, bonne année! Hey, non, t'as peu. J'ai la question bonus. Vas-y. Juste avant qu'on finisse. On va faire la job sur le site, hey, ce qui est beau, c'est qu'on va revenir après les fêtes. Ben oui, on vient. Ok, mais t'as peu. Pour la pause le 4 janvier. Même pour la pause olympique, je dis qu'on court au hockey qu'un pareil. Internaute n'a pas posé. OK, vas-y. Bouillon ou Murray? Murray. Murray. Murray, malheureusement. Murray fait le ménage en avant du net. Ouais. Bouillon, ne rajeunit pas. C'est ben, pas le gars le plus... Boubou. C'est pas la plus belle passe, la Murray, première passe, là, mais on s'entend, là, mais Asti, il fait ben, il déblaye Bouillon le vent à l'attaque, du net. Bouillon à l'attaque est meilleur que Murray, mais Murray fait plus de dommages. L'attaque, Asti, même. Bouillon, mal. Il shoot la puck en arrière du net. Ouais, mais ben Murray, non, il fait pas grand-chose. Ils font tous les deux la même affaire. Ben, juste en passant, le spectateur, c'est 1-0 Montréal en télé. Allez, on va l'avoir un but d'enfousse. Shampoing les gars, en terminant le show, vu que c'est le dernier podcast 2013, nos souhaits pour 2014, on fait un tour de table, puis j'aimerais avoir votre souhait pour le CH, la Ligue et notre podcast. On veut des plots. Quelqu'un veut commencer? David. Pendant qu'il boit une bière. Pour ça, j'ai dit c'est le nom. Gars à... Mark, vas-y Mark, comment? Mark pour le CH, qu'est-ce que tu veux un en 2014? Pour le CH. Là, pas de signage, je veux juste qu'on les non, écoute. On veut, pour le CH en 2014, ouais. Un gros trade, c'est un blockbuster trade. Okay. Là. Pour la Ligue? Pour complète la Ligue. Ou pour la NHL? Oh, shit, c'est pour la NHL. Augmentation de la masse salariale. Oh! Puis pour le podcast, hein? Puis pour le podcast, ce que je souhaite, c'est une grosse commandite de bière. Puis du gros fond noir aussi, comme qu'on a tout le temps. Yes. Toujours, yes, sir. Même si on s'ostine. Même si on s'en la gueule. Mange tout de la merde. On a tout le temps. On s'ostine peut-être, mais Chris, puis le podcast, ben, c'est fait de bon cœur. Puis on s'amuse, nous autres, en faisant ça. Dave, tes choix pour souhait pour le CH, t'in, en 2014? En 2014, pour le CH, je souhaite de... Tabarnak! Prends pas un air solennel de même. Non, tabarnak! Je souhaite que les Canadiens fassent les séries, man. Ben, je pense qu'on est comme quasiment assis. Parce que je veux avoir du bon hockey jusqu'en série. Puis on dirait cette année, j'ai le goût, puis ça va être le fun. On va pouvoir en parler pendant le podcast, puis ça va être cool. Bon, je pense qu'on va être genre vraiment primé si on a du bon hockey. Ouais, rendu en série, on va aller passer dans un pub. Dave est pacté. Souhait pour la Ligue. La Ligue. Plus d'argent! Puis pour le podcast, qu'un? Plus d'argent! Bon, asti! Toi, Alex, 2014. Non, pour le podcast, ouais? Je souhaite qu'on fasse des jello shots à barnac! Yes, sir! Un beer pong, asti! Beer pong de hockey. Alex, le CH? Ben, comme Dave, je souhaite qu'il fasse les séries. Mais en même temps qu'on fasse les séries, mais en étant fier de faire les séries. Mais hein, man. Tu sais, maintenant, en même temps, même si on les fait pas, qu'on soit fiers de notre équipe. Que les autres soient fiers de nous autres. Je veux qu'on fasse les séries, puis qu'on soit fiers. La Ligue, en général? Le podcast climax. Non, pour le même, pour la Ligue, pour ma Ligue, pas pour la Ligue nationale. La Ligue nationale va toujours faire plus d'argent, mais pour ma Ligue, j'aimerais ça une Ligue plus fair, genre plus en contact avec le vrai hockey, bon, pour moi les fans. C'est pour le podcast, Alex. Le podcast, Alex, tu me touches là. Je sais. Droit mais pour le podcast, je vais vous toucher aussi. C'est pas avoir plus d'argent ou avoir plus de fans, n'importe quoi. C'est que nos fans présentement qui nous suivent depuis le début soient contents de ce qu'on met sur nos. Ouais, manifestez-vous. Je remarque peu de. Le monde nous écoute, mais ne commande pas sur ce qu'on fait. J'espère juste le monde, c'est ça que le monde. J'espère que le monde apprécie l'effort qu'on fait à faire. J'aime ça. Puis je veux pas qu'elle ait des millions non, si nous écoute. Je veux juste qu'elle soit une étoile sur iTunes. Là, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est le fun quand même. On parce que je dis, hey, check ça, là. Si j'ai 5 étoiles sur iTunes. Ah ouais. Là, s'ils posent pas de questions, t'es correct. Mais c'est comme avec un monde. Tant qu'on a pas des commentaires, c'est vrai, t'as raison, t'es correct. Là. Puis souvent, on pose des affaires sur notre page. Puis gênez-vous pas pour commenter ou tout ça. Ah non, gênez-vous pas. Les commentaires négatifs, on va les effacer. Bah c'est ça. Vous arrêtez de nous écouter si vous aimez pas ça. Pour de vrai, non, mais c'est ça. Je veux juste que ça plaît au monde qui aime ça. Le monde qui aime pas ça. Ouais. I'm non, sorry. Sérieusement, nous pour autres, on est tous là pour... on est tous là pour parler de hockey. On fait ça sans pour prétention. Sans prétention, puis pour le fun, puis en chum, devant plusieurs bières. On est vraiment touchants, les gars. Ben, non, mais tu sais, c'est ça. C'est parler en chum. J'espère. Le gars peut être à côté de nous autres à nous écouter sans micro, man. Aussi, je veux qu'ils sentent dedans, si, man. C'est comme si... Je veux qu'ils sentent dans la conversation. C'est le cinquième joueur, là, qui est là. Ils disent, si, j'aurais tellement d'affaires à dire. On est touchant, mais tout ça, mais si jamais arrive de quoi dans votre vie, n'ayez pas peur de dropper les gants. On reste quand même aussi avec mais c'est GF. Ouais. Tu n'auras pas besoin de dropper les gants. Surtout à GF, les amis. GF. Je vais vous rejoindre sur plusieurs points pour le CH. Moi, comme Mart, un gros trade en 2014. Ah ouais. Un joueur... Non, le Canadien va bien, mais un joueur d'impact. un gros scoreur, quelque, une, pas une vedette nécessairement, mais un gars d'impact. Parce que si on va chercher un joueur d'impact, il faut en perdre plusieurs d'impact. Peut-être. Ouais. Mais présent, tu sais, on n'a pas eu de la peine. On a-tu eu vraiment des joueurs à date qui ont vraiment fait la différence avec le CH? Ben non, mais je veux dire, le Canadien. Pourquoi Evander Kane, c'est pas un joueur? Puis moi, sérieusement, j'aime vraiment ce qu'on dit, c'est impact, genre comme I-M-P-O-Q-U-E. Tu sais, un impact. Ouais, mais le Canadien n'est pas une mauvaise équipe. Ben non, mais le c'est Canadien, mon on souhait. On aurait un joueur d'impact, puis on pourrait être. Mais ton souhait, là, c'est de la merde. Bon, ben OK. Ouais, pour la ligue, je vais être comme Alex. Une ligue plus fair, moins de commotion, moins de coups à l'eau, plus qui de suspension. Est il est content, tu dis comme lui. Ben oui, justement. Il est content, là, là, il va pas te puis, par exemple. Merci, Jean-François. Pour, mon souhait pour le podcast en 2014, je dirais pas comme vous autres, moi. Ah, toi, tu vas faire différent. Ouais. Lui, il veut des views, Chris. Non, non, pas, même pas des views. Même pas des views. Un invité de marque. Ouais. Un ancien joueur du CH, quelqu'un ah ben, qui est dans le Chris, invite du... Marc. Marc Denis. Hey, regarde, moi je suis prêt à prendre n'importe qui. Michel Lacroix, ça serait le fun. Mario Tremblay, si tu veux Tremblay à ta job. Mais il fume à ma job, oui, puis en plus. Moi je prendrais Michel Tremblay. À tous les jours à midi. Va le voir. Il fume à tous les jours à midi, puis je suis dehors, je fume, puis il parle à d'autres gars, puis. Record ça sans qu'il Je me mets proche, mais pas trop proche pour fumer, puis je l'écoute parler. Mais comme là mais c'est je suis pas trop gêné les gars pour y aller. À soir tu y parlerais. À soir tu y parlerais. Faut que tu sois chaud à job Alex. Ouais. Descends-toi un six pack là l'après-midi. Mais non mais c'est vraiment c'est mon souhait c'est qu'on reçoit des invités qui ont un rapport dans l'univers du Canadien ça serait hot pour débattre ou juste jaser avec ce monde là. À tous nos auditeurs, si vous avez des contacts là ben Chris hésite. On dit je veux pas qu'il y ait cancer puis on invente quelqu'un c'est son souhait man. On y ronce la tête. On dit que c'est son souhait. Non, hey, moi, je dis pas, pas l'entrevue, là, juste jaser. Je propose quelque chose publiquement. Ouais. On invite des personnes qui like la page du. Ouais, on invite un fan. On invite un fan, quelqu'un qui veut se présenter, manifestez-vous. On vous invite au show. Ok, ouais, ça c'est bon. On reçoit. J'ai on déjà du monde personne. Qui veut venir, fait qu'on prenne en avoir ben, du monde. Non, non, là, okay, faut que ce soit un invité. Un tirage impartial. Il y a déjà du monde qui ont. Ah ouais, tu voudrais qu'on fasse un concours, faire tirer une invitation. Fais juste tirer une invitation que le monde peut venir avec nous autres. Ouais, mais okay. Regarde, parce qu'il y a plein de mots qui se disent de revenir. Mais là, si on tire ça au sort. Si t'arrives puis tu fais genre n'importe quoi, on va te crisser dehors. Là. Ouais, ouais, là, ça, c'est sûr. Un grand coup de pied dans le derrière. T'es bien mieux que. Ben, connais le hockey un peu. Bon, disons, non, disons mettons que ce soit un autre points. Podcaster ou n'importe ben oui. Quoi. On n'importe s'en qui. Fout, ah, mais c'est ouvert à tout le monde. Le gars, trois bières, il fait le like sur notre photo ou il share notre photo. Il veut participer. Il participe. N'importe qui. Tu connais rien au hockey? Tu participes. On veut ton opinion. On aime pareil. Ça, ouais, des opinions. Ok, t'es une femme. Au pire, tu participes. Au pire, tu vas poser des questions, mais ça, c'est pas grave. On va te répondre. Pas un souhait, mais une affaire. Là, je vais le dire comme ça, puis on va l'essayer en 2014, mais on aimerait ça prendre des appels live pendant le show. On va le faire interrompre par moi, le monde. Ben, ça marche avec tout sur mon téléphone, mais là, je vais essayer d'ouvrir les lignes sur Skype, peut-être, pour que le monde puisse nous appeler live pendant le show, nous poser des questions en audio. Boîte vocale. Boîte vocale, peut-être, quelque chose. On essaie d'interagir avec le monde en 2014. Boîte vocale. Boîte vocale serait écœurant, le monde pourrait nous laisser des messages. On voudrait avoir des lignes qui flashent, là. Non, mais ça sonnerait direct dans nos écouteurs, puis on répondrait pendant le show. OK, on prend la 1, les gars, la 1, sur la 1. Ça sonne, ça sonne. Sur la 1, on a Jerry. Jerry, qu'est-ce que tu penses du Canadien, cette saison? Jerry, c'est pas un gars à ta job, ça? Donc, ben... Non, il travaille plus là. OK, oh, bon, ben, hey. C'était ça, les gars. Hey, les gars, le fil 2013. Merci, tout le monde, d'avoir été là pour ben, nos deux, ben, la demi-saison 2013, puis 2013-2014, notre début d'année, là... On revient en 2014. Vous pouvez suivre la soirée du podcast sur Twitter et Facebook, @soirée du podcast, puis la soirée du podcast sur Facebook. C'est ça. Ben, bonne année, puis joyeux Noël, tout le monde! Hey, non, mais avant juste, de finir, juste avant, j'aimerais. J'espérais finir là, tu fuck toute ma non, patate. Hey, avant tout le monde, j'aimerais ça qu'on fasse. Un gros non, mais genre, on finit ça, joyeux Noël, bonne année tout le monde! Puis, toi, t'arrêtes pas, mais bon, ben, finir, on continue! Marc, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais qu'on fasse notre oratoire Saint-Joseph, puis qu'on salue tout le monde avec une bonne gorgée de bière. Bonne gorgée, tout le monde. Cheers à tout le monde qui nous écoute, les fans, on souhaite la coupe en 2014! 2114. Ouais, c'était juste réaliste. Avant de finir, juste faire. On se répète. Ouais, avant de finir, Non, mais non, mais brillant, brillant, brillant, brillant. Mon sweep 2014, brillant, se fait changer. Là. Contre un gros. Dans gros, ouais, c'est changé. Contre un gros, contre Evander Kane. Ils vont aller chercher genre Rick. Qui c'est aller chercher brillant, man? Je sais pas, là. C'est qu'il veut, là. Ouais, c'est avant, un souhait. Avant des, de partir, des petites plugs. Daniel Brillant contre Rick Nash. Ouais, ouais. Ouais. Oh shit. Des petits plugs avant de terminer. Manquez pas le spécial Noël des Mystérieux Étonnants le 21 décembre. Pas. à 19h, je vais être présent avec les gars de Rétro Nouveau. Fait que moi, j'écoute ça, c'est sûr. Manquez pas ça. Manquez pas aussi le spécial Noël gala de Rétro Nouveau le 23 décembre le matin. À job, vous allez tout le monde relax. Là, vous écouterez ça, une belle demi-heure. Moi, j'ai déjà vu avant montage, mais... Oh, c'est-tu. Et voilà. Puis comme on est membre de RZO, je vous invite à aller participer au Bon Noël de RZO. Plein de beaux prix à gagner, des albums, toutes sortes d'affaires. Vous likez la page sur Facebook. Tu peux pas participer à ça. Ben, je l'ai fait quand même. C'est pas marqué qu'il y a un règlement que le mot qui participe. Alex a trouvé une faille. Et oui, en parlant de RZO, je veux dire salut aussi à Boulevard Brutal qui font jouer du gros metal. Ouais, puis qui nous écoute d'ailleurs des fois live. C'est mon podcast. Lui, on pourrait l'inviter de Boulevard Brutal. C'est vrai. Ce serait cool. Ça nous inviter. 2014, un de nos souhaits. Support. Amenez vos micros, puis you're in. Ben, sur ça, c'était l'épisode 6 de la soirée du podcast. Joyeux Noël et bonne année tout le monde.